Non mais la loge, la loge. Il fait 22 centimètres. Coralie, son cerveau, il se touche. Si, si, si. C'était un restaurant, ce qu'on a appelé. Oui, oui. Non. Ils avaient l'air couchés à deux dans le lit. Allô. Ouais, c'est moi. Dis, faudrait changer de cuistot, ta bouffe, elle est dégueulasse. Pardon? Ta bouffe, elle est dégueulasse, faudrait changer de cuistot. Allô? Oui, allô? Allô? Oui. Allô? L'enculé, allô? Allô? Mais oh non, c'est gagné, aussi. C'est gagné aussi. Eh, ils sont chauds les restos, qu'est-ce qui se passe? Putain. Ah, attends, ça c'est la grève, ça. Hein, ça c'est... Le manque à gagner, ça fait dur. Hein. Et il a dit c'est l'autre enculé. Bon, on se connaît. Attends, lui, on rappelle le même. Il te reconnaît, putain. C'est qui parle? Je savais être Dominique. Ah oui, comme ça. Allez. Oh, il décroche plus. Bonjour. Non, vous êtes en... attends, je vais essayer encore une fois. Ils font chier. Je vais essayer encore une fois. Ah non, mais on peut... Ah oui, c'est des grands verres. Hein. On peut pas boire en studio. C'est des verres poids lourds. Il amène le verre de la coupe de champagne chez moi là. Non, non, non, pas ici, il y a une table de mixer et tout. C'est un gyro. Extérieur du studio. Il faut mettre ça à l'extérieur, monsieur. Veuillez partir, merci bien. Mais parce qu'en fait, on. Ah, il veut plus le décrocher. Oh. Allez. Bah, appelle un autre resto. Ah oh, dommage, ça va, j'appelle un autre resto. Tiens, Lara, c'est de la raquisition. Non, moi j'ai pas fait ça. Allez, non, allez, moi allez. Je suis exempte. Comme de François Zige dans le jeu de culture générale, et bah moi dans le jeu d'énerver les gens, moi non. Hé hey bon. Personne n'a demandé à JC s'il était venu en camion ce soir. Pourquoi va boire, tu veux lui faire poète-poète? Attention. Allô. Je vais le en face. Allô. Bah, grand, tu sais combien ton mental ici. Allô. Et nous on habituerait peut-être des quartiers pas faciles. Et nous on a grandi dans le béton, hein. Ça c'est bien ça, hein. Je te plume, moi. Mais c'est des quoi? Je dis arrête de m'appeler. Allô. Mais ta mère c'est une pute, hein. Yes, hein. Écoute-moi bien, grand. Eh, je te plume, moi. Où se trouve en gauche? Eh, je vais m'énerver, eh. Allô. Toi ta mère, je la baise. Il est sourd. Ce qu'il dit celui-là. Ouais, il y a des diches. Il est turc aussi lui, non? Allô. T'es dans les bouchers ou quoi? Tu n'as pas le danger? Allô. Hé, hé, je vais m'énerver, hé. Hey. Mais ta mère c'est une pute, hein. C'est violent. What? What? What? Hé, hey, t'as quel âge toi? T'as 15 ans? Passe-moi tes parents, va. Ça c'est le meilleur celui-là. Allez, allez. Réponds, on parle. Ah, il parle. Hey, t'as pas encore l'emmerdeur. Vous êtes combien? Sois connu, Corazzo. Il parle français. Il parle pas français. Sois connu, Corazzo. Vous êtes combien, bande de fils de pute? Sois connu, Corazzo. Hé, hey, les gars, hein, qui vient chez moi, je sûrement m'apprête. T'as connu Corazzo? T'as connu Corazzo? Ah, tu sais quoi, j'appelle ailleurs. Connais-tu Corazzo? Pour Vin, c'est un jeu vidéo en fait. Hein. Ouais, il s'amuse. Ah, moi je me barre. C'est comme s'il mettait son bras dans le cul de Dominique. C'est ça, je fais la marionnette. Allez, je me marie comme je veux. Putain, j'adore l'analogie. Elle est excellente. Désolé, mais la personne que vous avez. Non, pas disponible. Désolé. Un petit dernier, internet. Nous, on a grillé dans le béton, c'est ce qu'ils disent dans les banlieues portugaises. Oh purée. Je suis en train de faire des dourous mais vous le dérangez. Il est en train de faire des dourous, ah ouais. Vous le dérangez, aucun respect on dit. Sous l'aisselle, ouais. Ah non. Allô. Hé, je vais m'énerver, écoute-moi bien grand. Fils de pute, moi. Allô. C'est moi que t'as compris. J'ai pas compris. Hé grand, tu t'as des couilles, hein. Appelle avec ton numéro, monsieur. Qui êtes-vous, monsieur? J'en ai rien à foutre de ta mère. Pardon. Hé, je vais m'énerver. C'est un restaurant, la Rondinelle, là. La Rondinelle. La Rondelle, quoi. Ici, on est au restaurant de la Rondinelle, monsieur. Toi, ta mère, je la baise. Oh. Allô. Toi, ta mère, je la baise. Oh, oh non. Oh. On peut garder la Rondinelle pour un des jeux de mots pour les prochains jours. Rondinelle. Et tout de suite, ça va être Mike Open Space qui va démarrer. Bonsoir, Mike Open Space. Bonsoir, Vin, ça va bien? Mais très bien, et toi-même? Bah oui, tranquillement. Pourquoi tu mets une Ritza? J'ai pas fait exprès, j'ai appuyé sur le truc, je voulais mettre ça en fait. Bertal, voilà. Ah, ma musique. Alors, bah, quoi prévu pour ce soir? Eh bah, ce soir, le retour du Si Pas Bien. Ce soir, on va faire le tap à l'info mec également. On vous donne des infos insolites. On vous donne le début. C'est à vous de trouver la fin pour repartir avec du cadeau Fun Radio. Et puis, on va commencer dans quelques instants là avec une auditrice qui s'appelle Jenna, qui a 25 ans, qui vient de Bruxelles et qui s'est blessée en faisant l'amour. Oh, blessée? Elle a eu une crampe et elle veut. Du coup, elle a 2 semaines sans sexe. Interdiction du médecin. Aïe. Donc elle veut des astuces pour tenir sans faire l'amour pendant 2 semaines. Mais 2 semaines. Des astuces. Je sais pas, Lara. C'est une chaudasse de ouf. C'est une chaudasse de ouf. Non, mais c'est long, 2 semaines. Bah, ça dépend, pour une meuf, ça va encore. Elle gère. Pas, Lara, les meufs, 2 semaines, ça gère. Hein. Je sais pas, moi, j'ai pas de crampe, moi. Donc je peux pas. Chamerois, il en pense quoi Alors, t'en penses quoi, Chamerois? Ah oui, c'est bien. Ah oui, c'est bien. 2 semaines sans faire l'amour. 2 semaines? Ouais, c'était long quand même. C'est long, on est d'accord. Et pourquoi tu poses pas la question à Kaufman? Bah oui, Kaufman, oui, pardon. Oui. C'est moi qui me dis. Simon, très belle imitation. Bon, allez, Michael Buzz, parce qu'il marre tout de suite. Ton jingle. Ah oui, c'est... Ah, oui, son jingle. Donc voilà, vite, je veux pas t'aider à mon patron, il a un resto. Vas-y, donne-nous le numéro de téléphone, il n'y a pas de problème. On appellera demain. Pardon, pas demain. Dimanche, la libre antenne également pour le retour du Fun Game. Oui. Je fais un gros bisou à Lara qui est venue ce soir. Bisous Vince. François, je pensais que j'allais faire un bisou à lui. Bisous François, bonne soirée. Hein. Bonne soirée. Bonne nuit à toi, que tout se passe bien ce soir. Salut. Repose-toi bien. C'est genre salut, allez, casse-toi, je me casse. Bonne nuit Coralie. Ah merde, ton micro. Bonne nuit Coralie. Bonne nuit, apporte-moi un verre de champagne. Hein. Tu l'as pris pour un serveur ou quoi? S'il te plaît. Mais tu pas en studio. On te le garde là-bas. Là-bas, ça va. Voilà, et pas abuser s'il te plaît. Jamais. Voilà. Un verre. Ok, très bien. Allez, Mike, on peut se plus qu'il démarre. Et quant à nous, on se retrouve dimanche à partir de 20h pour le retour à l'Ibrantaine. On appellera Dominique. Allez, bisous tout le monde. Bisous, bisous, bisous, bisous, bisous, bisous. 23h. La journée se termine. Vos paupières sont lourdes. La lumière vient de s'éteindre, mais ne dormez pas encore. Un vent de liberté s'engouffre dans votre rue. Il souffle jusqu'à pénétrer chaque recoin de votre chambre, de votre véhicule. Vos poils se hérissent, votre pouce accélère. L'heure est venue de l'ouvrir. Ne restez pas caché sous votre couette. Levez-vous et montez le son de la radio. Montez-le encore, encore. Le voisin gueule, on s'en tape encore. Plus fort. Qui que vous soyez, où que vous soyez, la nuit ne fait que commencer. Total délire, 100% tolérance, Radio Bordel. Mike Open Space, jusqu'à 2h sur Fun Radio. Et on est là 23h30 pour le contrôle de Fun Radio. J'espère que vous allez bien les amis, que vous avez passé une bonne journée, la dernière de la semaine. On va se taper des barres de rire pendant 3h avec vous tous et vous tout en direct au 02 851 4x0. Bonsoir Jonathan. Bonsoir Mike. Ça va bien la journée, comment ça s'est passé? La journée s'est très très bien passée, un peu moins bien maintenant parce que je réalise que c'est la dernière et qu'on on va vraiment se manquer. On va se faire chier tout le week-end. Mais ne vous inquiétez pas, on va préparer une émission de folie là jusqu'à 2h du matin les amis. Il y aura la nouvelle star de l'Open Space tout à l'heure, il y aura Maître Kevin qui va arriver très très tôt ce soir dans l'émission. Ouais. Minuit 30, il sera la Maître Kevin, il m'a dit, en direct depuis Paris. Et il vous offrira encore du cadeau. Oui. Il y aura tout à l'heure le Si Pas Bien, le jeu le plus dur du monde. On va se faire le tap à l'info mec. Et puis du son dance floor aussi, quel est tout au long de la soirée. Il y aura Jason St. Paul pour attaquer l'émission dans 5 minutes. Coralie décroche ce soir en 02 851 4x0. Oui. Bonsoir ma chérie, ça s'est bien passé avec Vince? Oui, super. Et tu n'as pas maltraité ce soir? Non, du tout. Bon, très bien. Bonsoir mon Zézel, l'homme de l'ombre également de cette émission, qui vous rappelle si vous vous inscrivez au 63 22 ou au 30 44 pour jouer avec nous à des jeux. Exactement Mike, je vais bien. Rien à signaler sur la journée? Rien à signaler pour le moment. Si. Putain, t'as refait la même coupe dégueulasse qu'hier, t'es dégueulasse avec cette coupe là. Mais non, il met le pot de gel sur la teuté. Ouais, et en plus c'est très mauvais pour les cheveux, Zézel. Attends juste que ça va pousser, tu verras bien ce que ça va donner. Franchement ça cartonne. Bah, on vous met la peu coup de Zézel sur le Snapchat de l'émission Mike Open Space, allez nous dire, mais pour moi, t'es dégueulasse, mon Zézel. Ouais, je suis désolé de te dire non, ça. Bonsoir aussi à Jérôme qui est là ce soir. Dans quelques instants, sur Fun Radio, on va récupérer donc Jenna qui doit se priver de sexe pendant 2 semaines. D'accord. Elle s'est blessée en faisant l'amour avec son mec, elle va tout nous raconter. Ah merde. Et puis Ismi est là, c'est l'auditrice mystère de ce soir. Bonsoir Ismi, 25 ans, Anderlecht. Hello, it's me. Oui. Ça va bien, Ismi? Oui, ça va et vous? Ouais, t'as fait quoi de ta journée? J'ai travaillé. Tu bosses dans quel domaine? Je travaille à la commune d'Anderlecht. D'accord, ok, bah sois la bienvenue ma chérie. Tu es l'auditrice mystère de ce soir. Est-ce que t'as un indice à me donner puisqu'on va devoir trouver pourquoi est-ce que tu nous appelles pour que tu puisses repartir avec du cadeau Fun? Bah d'accord. Bon, en fait, mon nouveau mec, on est ensemble depuis 2 semaines. Ouais. Environ. Il a voulu me faire plaisir hier, sauf que ça a complètement foiré. Et il a fait un truc que je déteste. Et c'est à nous de trouver quoi? C'est à vous de deviner quoi. D'accord. c'est assez vaste quand même. 30-44 si vous avez des idées. On va te poser des questions dans quelques instants, Ismi. Tu auras le droit de répondre par oui ou par non. Et si on te trouve en moins de 2 minutes, pourquoi tu nous appelles, tu repars avec du cadeau. Tu bouges pas, ma chérie? D'accord. Bouge pas, Ismi. Vous tous et vous, tout en direct. Venez faire vivre la liberté d'expression. Chaque soir ici, Darlon a tourné. 02 851 4x0. Voici Sean, Jason et Sean Paul sur Fun Radio. C'est You Make My Love Go. You Make My Love Go. Said her name was Delilah, and I'm like, you should come my way. Yeah. I already surrender. Damn girl, that body's fire. You gon' remember my name. You need it, I need it. We can jump in the deep end. I wanna get lost in your love. I just wanna be close to you. Just wanna and do figure 100 and fit it. Love how you move, you know that I'm with it. Perfect size, I know that you fit it. Just let me hit it, you know me not quit it. Pondy the hell like I see and did it. Me now want them, I watch me like Sin City. Full time you run the thing, me talk legit. If you don't come, give me that, woulda be a pity. My girl, come me down, want see something me want in a life and then waste time. Are you with me free every day, baby? Full time when you dip on me mind. Some want you forgive. Et chaque soir ici, ramenez-vous, c'est Open Space. Toute une génération pour foutre le bordel. Mike Open Space. Mike Open Space, le soir sur Fun Radio. Et on fout le feu dans toute la Belgique jusqu'à 2h du matin. Yeah. Vous tous et vous, tout en direct au 02 851 4x0. Libre antenne, les amis, on est ravis d'être là. Ouais. Avec le son d'Avicii pour s'embiancher. Pour s'embiancher, c'est Lumière qui arrive. Ouais, ça va, fin de semaine, faites pas chier. Wake Me Up à venir. Pas l'info mec de Calais aussi, on fera le fucking juste prix. Je vous rappelle le principe du fucking juste prix. Quelqu'un de cette équipe ramène un objet, on doit déterminer le prix de l'objet. Celui qui est le plus éloigné subit un gage. Et c'est moi qui dois ramener l'objet aujourd'hui puisque j'ai perdu, c'était lundi, on m'a épilé les sourcils, putain bande de con. La vengeance sera terrible. Bah justement, c'est ce qui me fait peur avec toi, c'est que je crois que ça fait longtemps que t'attends que ça tombe sur toi pour justement nous le faire payer. Ma vengeance sera terrible, ce sera tout à l'heure dans l'émission. On n'a pas testé les clichés ce soir. Tester les clichés ce soir. Et nous allons tester quel cliché, Jonathan? Ah, je sais pas, j'ai dit ça comme ça, mais si on appelle un monsieur poule pour voir si les poules ont des dents. Voilà, à ce qui paraît, les poules ont des dents. À skip, on appelle quelqu'un. Allô? Ah ben, ça sonne. Allô? Non, ne bouge pas, Ismi. On va te récupérer juste après. Ça, on devait le faire en début d'émission, j'ai zappé. On en a marre des clichés dans l'open space. Et croyez-moi, on va y mettre fin. Allô. Oui, madame Poule. Bonsoir, madame Poule. Je vous appelais, c'est pour une petite édute, ça va prendre juste deux secondes. Vous avez des dents, madame? Je ne comprends pas, monsieur. Vous avez des dents, madame? S'il vous plaît. Vous avez des dents? Ça marche très bien hein, ce soir. Allô, madame Poule? Bon, de toute façon, si elle parle, c'est qu'elle a des dents. Oui. Bon, bah, on est d'accord. Bon, bah, cliché démenti ce soir dans l'open space. Les poulons des dents. Merci, madame. Voilà, les poulons des dents, voilà. Hashtag grosse tristesse. Bon, Ismi, sors-moi de là. 25 ans de Derlecht, Ismi. Oui. Et toi, eh bien, ton mec a voulu te faire plaisir. Oui. Mais sauf que bah, c'est l'intention y était, mais le résultat n'y était pas vraiment. Et ça t'a pas fait plaisir. C'est ça? Oui. Et à nous de trouver pourquoi est-ce que ça ne t'a pas fait plaisir. Vous posez vos questions au 3044. Dans l'équipe, vous lui posez des questions. Smith a le droit de répondre par oui ou par non. Et on doit trouver ça en moins de 2 minutes. On est prêt? Allez, on y va. Ismi, alors est-ce qu'il t'a offert un cadeau? Ah pardon, vas-y, repose-lui la question, elle t'entendait pas en fait. Ah d'accord, est-ce que tu lui as offert un... Enfin, est-ce qu'il t'a offert un cadeau? Non. Est-ce que c'était sexuel? Non plus. Zezel. Est-ce qu'il a fait quelque chose d'extraordinaire? Non. On nous dit, au 3044, on nous dit il l'a fait jouir. Ah non, ça t'aurait fait plaisir. Ouais. C'est pas ça, rassure-moi. Non, c'est pas ça. Est-ce que c'est de la nourriture? On va vous rapprocher. 3044 pour poser vos questions. Donc la nourriture, on se rapproche. Donc c'est pas du tout ce qu'on nous dit. Au 3044, on nous dit il l'a prise en levrette, il a profité pour lui mettre un doigt dans le chemin boueux. Oh, oh, oh là là. Vous avez la classe ce soir, hein, sur les... Est-ce qu'il a mangé de l'ail et ensuite il t'a roulé une grosse pelle? Non. Ça a rapport avec la nourriture. 3044 sur les SMS. Zezel. Est-ce qu'il t'a fait manger sur son corps? Non plus. Il t'a emmené au restaurant? Non plus. On nous dit il t'a fait manger quelque chose qui t'a pas plu. Oui, vous vous rapprochez. D'accord, il l'a tartiné et il l'a léché. Non, c'est pas ça? Non. Il lui a cuisiné un plat dégueulasse. Vous vous rapprochez. Est-ce que t'as pu le manger, ce plat? Pardon? Est-ce que t'as pu le manger? Ah non. Non, ok. Est-ce que t'étais allergique à ce qu'il t'a préparé? Non. Est-ce qu'il t'a cuisiné des spaghettis bolognaise mais les pâtes étaient pas cuites? Non. Est-ce que c'était des insectes? Non plus. Il lui a demandé une fellation, nous demande au 3044. Non, ça n'a rien à voir avec la nourriture. Quoique c'est très protéiné apparemment. Hein. Oui, pareil. Ah bah justement, est-ce qu'il a éjaculé dans le plat qu'il t'a fait, qu'il t'a préparé? Arrête, c'est dégueulasse. Non. Est-ce qu'il a mis le feu en préparant ce plat? Non, ok. Il vous reste 5 secondes pour trouver, dépêchez-vous, Zezel. Est-ce qu'il a cuisiné peut-être trop tard? Ah, trop tard. Qu'est-ce qu'il a dit? T'as dit quoi, Zezel? Vas-y, répète la question. Est-ce qu'il a cuisiné trop épicé? Ce sera la dernière. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on valide le point ou pas? Non, j'ai entendu. Est-ce qu'il a préparé un plat trop épi? Bah, j'ai trop épicé. Allez, moi je valide. Bon, allez, je valide, c'est gagné. Donc, il t'a préparé trop épicé. Vas-y, raconte-moi un peu. Bon, en fait, il a cuisiné mexicain. Ouais. C'était trop mignon. Il était habillé traditionnel et tout ça. Il a fait des tacos et des tequila. D'accord. Mais tout était beaucoup trop épicé en fait. Et je déteste manger épicé. Mais il le sait pas. J'ai rien mangé de la soirée. C'est ton mec, il sait pas que t'aimes pas manger épicé? Bah, ça fait que 2 semaines que je suis avec. D'accord, ok. Bon, en tout cas, il a dû le comprendre quand elle a chié Sarah 5 minutes après. Hein. Et donc, t'as rien mangé de la soirée? Non. Bah, t'as eu raison en même temps, parce que je rappelle que le vrai problème de la bouffe mexicaine, c'est que. Chérie, maintenant, je te le dis, profite de ce moment. Voilà. Ah, mais je vous dis, c'est le problème de la bouffe mexicaine. Est-ce que vous cuisinez dans l'équipe? Dites-nous chez vous à la maison au 3044. Jonathan, toi, tu cuisines pas mal. Hein. Ouais, j'adore ça. Mais Zezel cuisine encore mieux que moi. Ouais, je suis cuistot de base en fait. C'est quoi ta spécialité, mon Zezel? Un peu tout, les plats européens, sinon les plats hongrois ou les plats français. Moi, ma spécialité, vous la connaissez. Ah oui, c'est la purée lavabo. La purée lavabo, évidemment. Je vous rappelle, c'est un bon petit plat que je maîtrise. Et c'est le seul avec les œufs durs, d'ailleurs, que je maîtrise. Et il faut faire. Alors, je vous dis tout simplement, vous prenez de la purée mousseline. Vous n'avez pas de lait chez vous à la maison. Pas de panique. Vous prenez de l'eau. Normalement, c'est 50% de lait, 50% d'eau. Ouais. Vous mettez 100% de lait. D'eau, pardon, du robinet. C'est le concept de la purée lavabo. Oui, je sais, ma meuf a de la chance. Mais ne dites pas trop fort, s'il vous plaît. Coralie, est-ce que tu cuisines, ma chérie? Ouais, de temps en temps. Quoi? Avant, surtout, bah, je cuisinais de tout. J'aimais bien faire des pâtes, surtout, en fait. Ouais, tu fais les pâtes à la Kerbo, toi. Oui. Bah, c'est pas mal. Bon, j'ai demandé à tout le monde. Ouais. Ah, j'ai un petit sondage sur ce qui vous fait chavirer les filles à table. Toi, Ismi, qu'est-ce qui te fait chavirer? À table? Ouais. Le plat, vraiment, tu vas craquer pour la personne, tu lui sautes dessus direct. Une bite fourrée au gratin. Alors là, je sais vraiment pas du tout, parce que j'aime beaucoup de choses. Mm-hmm. Mais pas la bouffe mexicaine. Ah non, voilà. Mais écoute bien, pour 8% des femmes, si vous faites des sushis maison, ça va les impressionner. Ah, c'est franchement galère à faire les sushis maison. Je sais pas si vous avez déjà acheté un bouquin pour faire des sushis. Vous avez 200 pages et sur genre 200 pages, t'as facile 180 pages juste sur le matos à acheter pour faire des sushis. Mais c'est ça, les sushis c'est un peu comme les origami, tu vois. Tout ce qui est japonais c'est super compliqué à faire. Ah, c'est dur, mais après c'est vachement bon. Pour 12% des femmes, d'ailleurs, s'il y a un livreur de sushis qui passe vers la radio qui veut nous en apporter, il est le bienvenu. Pour 12% des femmes, peu importe un plat, improviser avec les ingrédients qu'on a dans le frigo, ça peut faire l'affaire. Ah ouais. 12% des femmes qui sont pas très compliquées. 13% des femmes voudraient un vrai dîner de gourmet. Bah oui. Oh non. Avec des chandails, des bougies, des fleurs. Dîner de gourmet, quoi. Ouais. Quoique gourmet, c'est peut-être juste la bouffe pour chat, en fait. Gourmet pour chat. 16%, un petit déjeuner au lit. Elles sont ravies. Ah ouais. On nous dit sur la SMS au 3044. Pour toi aussi, Ismi, petit déjeuner, t'es ravie? Oui, je confirme. On nous dit, moi je suis cuisinier gastro. Je fais à manger tous les jours à ma femme. C'est Pierre de Charleroi. Putain, elle a de la chance, ta meuf Pierre. Moi, c'est les pâtes carbo sauce maison. Ah, bah, tu vas faire chavirer Coralie. Ah oui. Et attendez, il me reste un chiffre. 22% des femmes, ouais, se satisfont d'un pique-nique. Ouais, c'est mignon. C'est romantique, un pique-nique. Ouais, c'est romantique. Ouais. C'est le truc préféré des serial killers en plus. T'es direct au fond du jardin, c'est tranquille. Oh. Bon, eh ben merci. Ça va mieux au niveau de l'estomac ce soir, Ismi, du coup. Ça peut aller. Bon, mais j'ai rien mangé, donc. Passe à l'appart, je te ferai une pourrie lavabo. Okay. Gros bisous, Ismi. Merci. Et je t'envoie des cadeaux, évidemment, des packs fun à la maison, puisqu'on a trouvé pourquoi tu nous appelles Ismi. Gros bisous, à bientôt. À bientôt. 23h17 sur Fun Radio. Merci de nous avoir choisi, les amis. Vous débarquez en direct au 02 851 4x0. Jenna sera la prochaine. Salut, Jenna. Hello. Bonjour. Comment ça va? Ça va. Bienvenue, Jenna, dans l'Open Space, 25 ans, Bruxelles. Et tu t'es blessée en faisant l'amour. Oui. Oh, quel drame de ta vie. Tu vois, oui. Il y en a qui ont des problèmes vraiment importants. Mais toi, putain, t'as nasse de merde. Bouge pas, on en parle juste après Avicii. C'est Wake Me Up sur Fun Radio. Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. So that's fine by me. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. Stay forever this young, not afraid to close my eyes. Life's a game made for everyone, and love is the surprise. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. So wake me up. Merci d'écouter Fun Radio, merci d'être branché ici chaque soir, on fout le bordel. À Bastogne, vous êtes connecté 99, tournez 97.4, on vous big up. Et partout à BX, c'est 104.7. L'Open Space est là. Turn up the radio. Il est là pour retourner la Belgique. Mike Open Space sur Fun Radio. Yes, I, vamos à la Get Down ensemble jusqu'à 2h du matin avec le son d'Enrique Iglesias qui arrive, le nouveau. Duele el corazón. Et s'il y a un son que vous voulez vous caler ce soir, vous m'en faites la demande, les amis, au 3044 ou sur le Facebook de l'émission. On est aussi calé sur la page Facebook de l'émission. Coralie, c'est le Facebook Mike Open Space. Oui, c'est le Facebook Mike Open Space. Je me suis pas encore branché, je suis désolé. Mais en attendant, vous pouvez nous rejoindre sur le Twitter Mike Fun Radio ou encore sur le Snapchat Mike Open Space pour voir tout. Comment ça, t'es pas encore branché sur la page Facebook, Coralie? Non, mais en fait, ça charge pas, tu vois. D'ailleurs, depuis tout à l'heure, les gens envoient des messages, mais ils ont pas de réponse. Si, j'ai répondu à plein de gens déjà, mais là j'étais pas dessus encore. Bon, eh ben, mets-toi-y dès maintenant. J'y suis. Coralie, sur le Facebook de l'émission, allez cliquer sur like, allez rejoindre la grande communauté, la grande famille Open Space. Ouais. Vous tapez Mike Open Space, 23h23, on retrouve Jenna qui est là, 25 ans à Bruxelles. Jenna, t'es toujours là? Oui, je suis toujours là. Bon, ma chérie, donc toi tu as un problème en faisant l'amour avec ton copain, raconte-moi tout. Ça s'est passé quand d'ailleurs? Ouais, ça s'est passé pas plus tard qu'hier. Et donc j'étais en train de faire l'amour avec mon copain et à un moment j'ai eu une contracture au mollet. Ouais. Et ça m'a pris, ça partait pas, enfin j'avais tellement mal que voilà, on a été obligé d'arrêter. D'accord. Et t'as crié ou pas quand t'as fait ça? Un petit peu, ouais. Ah mais c'est le danger. C'est pas les mêmes cris que d'habitude. Ouais, parce que t'es là, ah j'ai une crampe. Et ton mec, oh, comment je dois être un trop bon coup, t'as commencé à crier et tout. Il a dû plus se sentir. Ah c'est vrai qu'une crampe ça fait mal, putain. Oui, ça fait super mal. Enfin, ici, c'est pas parti. Donc, finalement, j'ai dû aller carrément chez le médecin. Ouais. Et lui m'a dit que je devais me passer de sexe pendant 2 semaines. Pour une crampe? Pour une crampe, oui. Mais c'est quoi la position que vous avez faite? C'est assez délicat à expliquer. On essayait des nouveaux trucs, donc. On était en lotus inversé, mais en lotus inversé façon 69. On a fait. C'est incompréhensible. Non, mais vous étiez. Vas-y, explique-moi, grosso modo. Ils ont fait la balançoire thaïlandaise. Non, mais c'était un truc sur le lit et j'avais mes mains au sol et voilà. Ah. D'accord. Et donc, du coup, maintenant, t'es en galère parce que tu dois tenir 2 semaines sans sexe. Attends, je m'imagine. 2 semaines, oui, pendant son sexe. Et donc, je voulais savoir si quelqu'un avait des astuces. Est-ce que ça va être dur de tirer le coup, quoi? Bah, est-ce que vous avez des astuces chez vous à la maison 2 semaines? Est-ce que vous trouvez ça long? Dites-moi sur les SMS au 3044 comment vous feriez pour vous priver de sexe. Alors qu'en plus, t'as un mec, tout ça. Jenna, t'es souvent avec lui ou pas? Oui. Vous habitez ensemble? On n'habite pas ensemble, mais il est chez moi au moins 4 fois par semaine. D'accord, donc, bah déjà. Ah ouais, essaye de, voir, ah de ouais. le voir peut-être un peu moins. Ouais. Pendant ces 2 semaines, parce que si t'es tout le temps avec lui, tu vas être tout le temps tenté, quoi. On dit bonsoir tout le monde, je voulais juste dire à Nawal. Alors attends, hop, je voulais juste dire à Nawal qu'elle me manque grave, lol, et j'espère qu'elle va. Love, pardon, et j'espère qu'elle va bien. C'est Thomas de BX qui nous dit ça. Vous me vendez du rêve en sortant ce vieux tube, les gars. 2 semaines sans sexe, je sais pas comment elle va faire, c'est trop long. Moi, je peux pas plus de 3 jours. On nous dit, c'est Martin qui nous dit ça sur les SMS au 3044. Est-ce que vous avez des petites astuces pour tenir 2 semaines sans sexe? Moi, je t'en donne une. Je regarde une photo de Charles Aznavour. C'est que théoriquement d'ailleurs, quand on t'opère du zizi, on ne te fait pas de piqûre, on ne te fait pas d'anesthésie. Hein. C'est vrai. On te montre directement une photo de Charles Aznavour et le truc, ça ne remonterait jamais. Jonathan, une astuce pour tenir sans sexe. Ouais, mais là, à mon avis, ça va durer plus d'un mois. Si tu regardes une photo de Jules, l'ancien membre de cette équipe, à mon avis, tu vas plus faire de sexe pendant un an. De qui ? Je ne vois pas de qui tu parles. Non, Coralie. Astuce pour tenir sans sexe. Bah écoute, touche-toi. Bah, t'as le droit de te toucher ou pas ? Oui. Bah, je sais pas, du coup. En fait, c'est les mouvements. Ouais, il faut éviter l'intensité. L'intensité, t'as pas le droit de faire du sport aussi. Non, pas de sport. Pas de sport non plus, ouais, donc c'est ça, tu peux te toucher toute seule à mon avis. Ouais. Quoique, on a vu il y a pas longtemps dans le tapin info mec cette semaine qu'il y a une meuf qui est décédée en se touchant. Oui, qui a fait une rupture d'anévrisme avec un vibromasseur. Et ce soir, encore une grosse info là-dessus, j'en dis pas plus. Ah, d'accord. Mais pour te toucher, t'es pas obligé d'utiliser un vibromasseur, donc au final. Coralie, quel est l'objet le plus insolite que t'aies utilisé pour te toucher, tiens ? Jamais rien. Arrête tes conneries. Non, jamais aucun objet. Putain, les meufs, c'est vraiment tabou chez vous, la masturbation. Non, sérieusement, jamais utilisé aucun objet. Non, mais regarde-moi. Mais je te regarde. Je suis la France d'en bas, le chômage et la crise. Non mais c'est vrai, les meufs c'est vachement tabou chez vous la masturbation. Mais moi tout à l'heure je suis parti chercher Jonathan ou même Zezel, je dis wesh comment ça va, bien la famille, tu t'es branlé, ouais tranquille et tout machin, tu vois, ça se passe. Oui, pas de soucis, mais j'ai jamais utilisé aucun objet pour me toucher, c'est tout. Elle préférerait avouer qu'elle a tué sa tante plutôt que. Mais non, mais je me suis déjà touché, évidemment, mais j'ai jamais rien utilisé, c'est toujours avec mes doigts. Mais d'un côté, ce qu'elle dit, c'est la base, c'est comme toi, les mecs, nous on peut se branler avec plein de trucs, tu sais, il y a des tubes qui imitent la bouche de la femme pour la mettre, voilà, pour stimuler, etc. Mais la plupart du temps on se branle avec main droite, tu vois, donc les meufs elles vont pas se faire chier à prendre des objets, elles peuvent très bien le faire avec leurs 5 doigts. En plus, tu sais combien ça coûte un vibromasseur là, t'es sérieux? Ah oui, bah c'est pour ça qu'il y a les concombres, ça sert à quoi sinon? Voilà, c'est dégueulasse un concombre, ça sert à quoi sinon? Zezel, est-ce que t'as déjà tenu 2 semaines sans faire l'amour et comment tu t'y es pris? Non, c'est impossible que je tienne 2 semaines sans faire l'amour, quoi. Même quand t'étais célibataire? Même quand je suis célibataire, ouais, mais là à ce moment-là j'ai des plans cul, quoi, tu vois. On nous dit le sexe oral, taille-lui des pipes, une astuce YouPorn, lol, on nous dit, ouais, c'est vrai. Vince, s'il y a un souci, tu peux m'appeler. Alors moi c'est pas Vince, c'est Mike, mais on va t'appeler quand même, frérot. Tu peux me rappeler le numéro, Coco, qui termine par 34? Le 0. non, le numéro qui se termine par 34, quoi, qui est arrivé sur l'SMS, là, tu le rappelles. On nous dit sinon, essaye de trouver une nouvelle addiction sur 2 semaines, prendre la coke. Non, c'est pas une solution. C'est Martin qui nous dit ça sur l'SMS. Est-ce que vous êtes déjà blessée en faisant l'amour, Coralie? Non, jamais, je me suis jamais blessée. Moi j'ai pas le souvenir non plus. Non, j'ai pas le souvenir de m'être blessée pendant que je faisais l'amour. En revanche, j'ai le souvenir d'avoir réussi à allumer un feu pendant que je faisais l'amour, pendant que je me masturbais, tu vois, mais c'est arrivé une seule fois. C'était pas en faisant l'amour, mais c'est vrai que quand ça m'arrivait souvent en fait, c'est que je me branlais tellement fort que j'avais des crampes au mollet. Un truc de dingue. Parce que je sais pas pourquoi, je force un peu trop à mon avis. Mais sans déconner, un jour j'ai crié la mort. J'étais tout seul chez moi. Mais quand tu te branles, tu peux pas demander de l'aide à tes parents. Tu vois, tu vas pas dire maman, tu sais venir m'aider ou quoi. Tu vois, donc t'es dans ton mal, t'es dans ton mal-être au moins pendant un quart d'heure. Et là, t'es dans la galère, quoi. Mais moi, il s'est passé un truc comme ça. J'ai un pote à moi qui était chez lui, chez ses parents. Et ouais. Il s'est pété le frein en fait avec sa meuf. Ah oh, putain. Tu sais, donc le frein, c'est ce qui relie. Ouais, c'est ce qui relie la peau à ton. Enfin, je sais pas comment expliquer. Mais... Au gland, ouais, c'est ça. Quand il pète, voilà, quand t'abuses un peu dessus, il peut péter et ouais. Ça pisse le sang. Et il m'a dit, et ça lui fait pas mal tout ça, mais à un moment ça craque, ça pisse le sang de ouf. Ah oh, putain. Et le gars, il a fini chez Midas en réparation. Hein, mais je te dis, ça peut être très violent, ces conneries. Non, mais Jenna, 2 semaines sans sexe, voir un petit peu moins ton mec, je pense. Bah ouais, mais sinon ça va être compliqué, tu vas être tentée tout le temps, ma chérie. Bah elle a pas trop de choix. Ou alors tu peux lui faire plaisir oralement, ce qu'on me disait aussi sur les SMS. Ouais, mais c'est plus pour lui que pour moi alors. Bah lui aussi peut te faire plaisir oralement, non? T'as pas le droit ça? Bah je sais pas, je suppose que si je bouge pas trop, ça devrait aller. Bah, ouais. Bah au moins c'est le moment jamais de tester les. Passe à l'appart, on testera ensemble, ma chérie, ok? Jenna. Je t'embrasse, Jenna. Merci d'avoir été là dans l'open space, Jenna. 02 851 4x0 pour faire comme Jenna, pour venir retourner le pays ici en direct sur Fun Radio. T'as pas l'info mec, c'est à venir. Jonathan qui a sélectionné des informations inutiles, des informations insolites sur internet et nous donne le début. À vous de trouver la fin pour repartir avec du cadeau Fun Radio. On se fait ça juste après le nouveau Enrique Iglesias dans l'open space. Si ensemble vous voulez que vous calez ce soir, vous écoutez, vous m'en faites la demande au 3044 Douelle El Colefon. On est là, 23h29. Yo quiero acabar todos esos besos que te quiero dar. A mí no me importa que duermas con él, porque sé que sueñas con poderme ver. Mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver si te quedas o te vas. Si no yo te haré acabar ese sufrimiento que te hace llorar. A mí no me importa que vivas con él, porque sé que mueres con poderme ver. Mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver si te quedas o te vas. Si no, no me busques más. Si te vas, yo también me voy. Si me das, yo también te doy mi amor. Bailamos hasta la 10, hasta que duelan los pies. Si te vas, yo también me voy. Si me das, yo también te doy mi amor. Bailamos hasta la 10, hasta que duelan los pies. Con él te duele el corazón y conmigo te duelen los pies. Con él te duele. Tal vez te da dinero y tiene poderío, pero no te llena, tu corazón sigue vacío. Pero conmigo rompe la carretera, bandoleras en tu vida y algo que no sirve, sácalo pa' afuera. Si nadie te frena, la super guerrera, yo sé que tú eres una fiera, dale, sácalo pa' afuera. Si te vas, yo también me voy. Si me das, yo también te doy. Solo con un beso, yo quiero acabar ese sufrimiento que te hace llorar. Turn up the radio. Il est là pour retourner la Belgique. Mike Open Space sur Fun Radio. Dans la radio jusqu'à 2h du matin, il est 23h33. Merci de nous avoir choisi les amis. Avec Zezel qui squatte les SMS, qui vous rappelle si vous voulez jouer avec nous, vous inscrivez comment Zezel? Il faut s'inscrire en envoyant un SMS au 3044 ou au 6322 avec suivi de MIKE plus la parole, le nom du jeu. Ouais, MIKE au début du message, déstresse-toi Zezel. Il y a Jonathan également qui est dans la place. Il y a Coralie qui décroche le numéro coco pour t'appeler. Le 02-851 4x0. La fouine, c'est ce qui arrive. On nous dit rapport au problème sexuel de Jenna juste avant. Le pire, ça doit être une fracture du pénis. C'est Julien de Mons. Ça doit faire super mal, une fracture du pénis. Ça existe, hein, j'ai des potes qui ont déjà eu ça. Et je crois que c'est plus d'un mois d'impossibilité de faire du sexe. Bah, donc, ça va, un mois. Un mois? Non, mais sans faire du sexe, mais sans te toucher aussi. C'est vrai que pour un mec, pour une rien du tout. Franchement, pour une meuf, ça va, mais pour un mec, c'est vrai que ça doit être super chaud. Et puis, au bout d'un moment, t'as un défi physiologique. Enfin, c'est tous les matins. Enfin, tu dois souffrir le martyr. Mais je pense plus que. Je pense plus que tu bandes à ce moment-là. Dès que t'es en érection, ça te fait mal. Ça va être compliqué tous les matins. Je crois pas que t'arrives encore à aller en érection. Tellement, à mon avis, ton corps doit avoir un tilt dans sa tête qui fait que. Faudra qu'on y consacre une émission spéciale. On sait pas. 1, 2, 4. 23h34. Il y a Nadia qui est avec nous, 20 ans, Anderlecht. Salut Nadia. Salut. Ça va bien Nadia? Ça va pas bien et bon. Ouais, ça t'est déjà arrivé de te blesser en faisant l'amour Nadia? Non. Non, jamais. D'accord, très bien. Non, peut-être jamais. Que tu ne fais jamais l'amour Nadia. Possible. Pas assez? Non. Nadia, tu cherches un mec ou pas en ce moment? T'es sur tous non, les deux. Ta gueule. Tu vois pas que je suis en train de gérer un truc là? Tu cherches rien du tout en ce moment? Non, je cherche rien du tout en ce moment. Il a une trop petite teuf pour toi. Mais ferme ta gueule! Mais Coralie, mais déjà qu'elle m'a affiché auprès de Miss Italia Belgio là, la dernière fois. Ah ouais. J'étais sur le dos, Miss Italia Belgio, c'était fait. Elle était trop belle. C'était fait. Elle était trop belle. Et là, elle a parlé de ma. Enfin bon voilà. Allez. Ça coule de source. Bon tu te calmes Coralie s'il te plaît. Parce que j'ai plus d'un dossier que je n'ai pas balancé sur toi. Notamment tes vergetures. J'en ai pas. Nadia, on va faire le tap à l'info mec. Nadia, Jonathan a sélectionné des informations. Il te donne les débuts, à toi de trouver la fin. Ma chérie, tu veux jouer contre qui? Zezel? Tiens Coralie je l'exclus parce qu'elle fait tout le temps le tap à l'info. Allez, j'aime bien. Dans Zezel, Coralie ou moi alors? N'importe, choisis. Mais non, choisis toi. Bah choisis Zezel tiens. C'est qui le plus nul? Si? J'ai pas compris. Je sais qu'il est timide. C'est qui le plus nul, j'ai dit. Ah. Le plus nul, je pensais que c'était Coralie, mais elle gagne à chaque fois en ce moment, donc. Tu manges, possible que ce soit Zezel. Elle va prendre lui. Zezel. Allez, vas-y. Très bien, tu vas jouer contre Nadia au tap à l'info mec. Tu veux commencer ou tu commences ou tu laisses Zezel commencer, Nadia? Je laisse commencer. Les hommes d'abord. Très bien, tap à l'info mec, on y va. Allez, c'est parti. Vous posez des questions à Jonathan, il peut répondre par oui ou par non. Le but étant de trouver l'information. Ready, steady, go. Tap à l'info mec. Voilà, voilà. Zezel. T'es prêt? Ouais, vas-y, fais péter. Une famille survit à un incendie dans leur immeuble en faisant quoi? Il saute par la fenêtre. Ouais, il a l'info. Oh, c'est nul comme info. Mais ouais, c'est pas nul, c'est logique. C'est à chier. Bah, c'est logique. Mais il y a le feu, c'est normal, tu sautes par la fenêtre. Mais ouais. Non, mais parce que si tu sautes par la fenêtre, tu peux t'écraser par terre et crever. Bah non, mais ça, c'est si tu pèses au-delà d'un certain plus. Si tu défies les lois de la gravité, mais. Mais non, mais quand il y avait. Bon, c'est un mauvais exemple. J'allais dire, quand il y avait l'incendie dans les Twin Towers, il y en a qui ont sauté et on les a. Oui, non, c'est un mauvais exemple. Voilà, mais non, mais dans un immeuble, ça a pas trois étages. Mais si on mettait au premier étage. Mais non, mais oui, mais ça serait pas d'un. Oh, vous me faites chier, putain! Ah, mais c'est bien, il donne des infos qui foutent l'ambiance! Non, mais en fait, c'est pas compliqué, ils étaient au 7ème étage, franchement, c'est une vraie info, cet étage a fait quand même 70 mètres, et c'est des passants qui passaient par là dans la rue qui les ont réceptionnés à l'arrivée, donc ils ont sauté par la fenêtre, il y avait des gosses et tout ça, ils les ont sauvés. Ah ouais, c'est chaud quand même, ça d'accord. C'est quand même. Ça s'est bien terminé quand même. Ça s'est très très bien terminé, il y a eu aucun mort. D'accord, il est blessé par contre. Ah, bien. Bon. Le gars qui fout l'ambiance, quoi. Et demain, il nous fait un point sur le nombre de victimes en Syrie, le gars. Nadia. Mm-hmm. Cette star est connue sous un pseudo, mais s'appelle en vérité Anthony Laborde. Mais de qui s'agit-il? Donc, cette star. Tu peux répéter cette. Qui cas s'appelle Anthony Laborde? Quelle qui... star? Ouais, quelle star s'appelle Anthony Laborde? Anthony Laborde, c'est qui ça déjà? Attendez, je le sais. Pose-moi des questions, hein. Ah oui, attendez, je sais qui. Est-ce qu'il joue dans une émission? Oui, il joue dans une émission, oui. Et 13-10 secondes, ma chérie. Ok, c'est l'autre, là, le petit, là, dans Fort Boyard, je crois. Ouais, mais comment? Comment il s'appelle? Elle là, c'est bon, elle a dit le petit dans Fort Boyard. Non, non, mais elle là, c'est bon. Non, ça passe. C'est pas Passepartout. Elle a dit Passepartout. Mais elle pensait à Passe-Temps. C'était Passe-Muraille. Passe-Muraille. Elle a dit Passe-Muraille. Allez, le point, il est pour elle. Bon, allez, mais voilà, c'est un faux. Elle a rien d'exceptionnel. Le mec s'appelle Anthony Laborde, mais c'était simplement pour dire que les nains de Fort Boyard ne s'appellent pas forcément les nains de Fort Boyard. Ils ont des prénoms. Un peu de respect. T'es au top de l'info, toi, ce soir. Je crois que là, on va passer un level, les gars. Ah, on va passer un level. C'est pour toi, Zezel. Zezel. Ça fait un partout entre toi et Nadia. Vas-y, je suis chaud là, je suis chaud. Un adolescent est décédé après avoir fait trop quelque chose. Et qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il a trop couru? Non. Est-ce qu'il s'est trop masturbé? Oui, mais ouais. Vas-y, donne-moi le chiffre maintenant. Ah, mais tu me mets que des ambiances qui foutent. Des trucs qui foutent l'ambiance, toi. Il s'est masturbé 10 fois? Non. 15? Non. 20? Non. 25? Non. Mais c'est pas possible. Si. 30? Non. Sur une journée? Oui. Oh putain, mais le con. Je vais même te dire d'affilée d'ailleurs. Putain, 40? Un peu plus. Putain, l'enculé. 45? 45? Un peu moins. 43? Un peu moins. 42? Ouais. 42 il s'est fois. Masturbé 42 fois dans la journée, le gars. 42 fois d'affilée. Hey, c'était un Brésilien, il avait 16 ans, il est décédé parce qu'il s'est masturbé 42 fois. Il n'est pas vraiment décédé à cause de ça. En fait, il avait déjà des problèmes cardiaques. D'accord. Mais en plus de ça, sa mère était au courant que voilà, il avait une dépendance au sexe. On a retrouvé plus de 17 millions de vidéos porno sur son ordinateur. Oh, c'est pas mal, hein. Et là, j'ai une vraie info par contre pour tous ceux qui nous écoutent, en fait. Pour les hommes, il est pas conseillé de se masturber plus que 6 fois par jour parce que ça peut vraiment être dangereux. En plus, voilà. Ça fait baisser ton taux de testostérone et voilà. Tout derrière. En gros, vous masturbez 6 fois par jour, il faut déjà y aller. Hein. Ouais, et donc là, le gars, 42 fois. Il a 16 putain, ans, il se fait vraiment chier depuis qu'il est au chômage. Je sais pas, mais. Sans déconner. Je l'avais pas vu venir celle-là. Bon, c'est comme Jules. Allez, la dernière, elle est pour toi, Nadia. Nadia, Nintendo a décidé de faire quelque chose qui bouleverse la vie de millions de fans. De quoi s'agit-il? Il va arrêter, je crois. Non. Est-ce que ça va avec les jeux vidéo? Bah, oui. Nintendo. Est-ce que c'est positif ou négatif? Bah, c'est négatif. Enfin, c'est. Oui, c'est pas malheureux, mais c'est négatif. Ça concerne quel jeu vidéo? Essaye de trouver. Ça concerne un jeu vidéo en particulier? Ouais, oui. Ça concerne Mario? Non. Sonic? Non. Zelda? Sonic, c'est truc. Non. Zelda Nintendo, je crois. C'est un manga très très connu. Non. Là, ils sont à la 19ème saison, un truc comme ça, je crois. Pokémon. One Piece. Pokémon. Attends. S'il te plaît, ne me dis pas qu'ils m'ont raté. Ils vont pas arrêter. Qu'est-ce qui se passe concernant Pokémon? Bon, attention, s'il vous plaît, un peu de silence. Des fois, il y a des informations. Bon. Il faut savoir faire preuve de sérieux parfois. Alors là, très très mauvaise nouvelle. Pikachu. Pikachu, il va mourir. Non. Il va évoluer? Sacha, non. Ils vont changer de nom de Pikachu. Ils vont changer le nom de Pikachu. Quoi? Ouais. Mais non, c'est une blague. Ils vont l'appeler comment? Ils vont l'appeler Pikachu. Pikachu. Pikachu. Enfin, en fait, c'est Pikachu, mais ça s'écrit à la fin, ça s'écrira Q-I. Pikachu. Pikachu. Ah, je connaissais. Je connaissais Pikachu, c'est Rocco Siffredi. Mais Pikachu. En fait, c'est parce que d'habitude, le jeu est traduit dans tous les dialectes chinois. Et là, ils ont décidé de simplifier et ils vont le traduire en chinois mandarin. Donc, en gros, le chinois comme ça. Mais tout le monde va trinquer. Donc, c'est-à-dire que même en anglais ou en français, il sera traduit comme Pikachu. D'accord. Et donc, voilà, en ce moment, il y a des manifestations qui ont quand même lieu en France. Parce que les gens, ils sont au bout du rouleau. Les gars ont des priorités quand même. Ah, ouais. Ah putain, on tombe sur le moment où ça part, où ça chante pas. J'adore ce son. Chantez, ah, pareil. Chantez-vous. C'est vous qui devez le chanter. Mais là, on connaît pas les paroles là, c'est le deuxième couplet. C'est personne, la version complète là. Personne connaît les paroles du deuxième couplet. On connaît Ginny, quoi, 45 si, secondes. Tout le monde connaît. Bah, du deuxième couplet. On connaît le premier, un jour je serai le meilleur dresseur, tout ça, machin. Excuse-moi, parce que je suis en train de combler pour qu'on arrive jusqu'au refrain là, parce que j'ai envie qu'on s'écoute quand même le refrain. Ah, tout le monde s'en souvient encore. Ouais, et bah si Sacha savait que Régine c'était en fait tapé Ondine là, enfin, Régine c'était tapé Ondine. Ah, Mickey est triomphe pas trop. Bon, bref, c'est fini pour le tapin l'info, mec. Ouais, c'est fini. Donc ça fait deux partout entre Zezel et Nadia. Très beau match, très beau match. Et donc cadeau pour toi, Nadia. Le match nul, je te profite, Nadia. Bravo. Bravo, Nadia. Bravo, ma chérie. Je te repasse Coralie, on prend tes coordonnées et on t'envoie ce qui peut te faire plaisir à la maison. Okay. Anderlecht. Tu vas faire quoi ce week-end, Nadia? Alors, ce week-end, je vais travailler. D'accord. Bah, bon courage, Nadia. Plein de bisous. Tu travailles à la commune, hein, c'est ça? Non, à l'aéroport. Ah, tu m'as dit à la commune tout à l'heure. Non, j'ai pas dit à la commune. Je sais pas où t'as déjà entendu la commune. Ah, c'est Jenna qui m'avait dit la commune. D'accord. Ok, bah bon courage à l'aéroport, Nadia. Gros bisous, ma chérie. Au revoir. Bientôt bisous, Nadia, dans l'Open Space. Vous tous et vous toutes. En direct, 02-851-4x0. Chaque soir ici, Just Fucking Prix à venir dans quelques instants. Celui qui ne va pas trouver le prix de l'objet que j'ai ramené, celui qui sera le plus éloigné du prix de l'objet que j'ai ramené, oh, putain, subira un gage. Ah, j'ai peur. Eh oui, dans l'équipe. J'ai ramené une bombe de déo aujourd'hui. Ah non! Commencez à réfléchir sur le tarot. Voici la fouine et tu valides. Open Space. Validé, tu valides. Petite question, ton banquier t'a-t-il validé? Tu valides. Tu montes le top chez toi et tu valides. Tu valides. D'où tu viens ici, personne t'a validé. Validé, validé. Depuis mon premier CD, maman m'a dit mon fils, tu es acharné au taf pour y arriver. Nuit blanche, on a dû bosser, tu n'as pas idée. Tu n'as pas idée, déliré au bloc en cellule dans des coins paumés dans tous les quartiers. Je suis validé en France, en Afrique, tourbus sud-ouest de la région centre au nord pas de Calais. Toi, tu n'arrêtes pas de caler, et tu validé, tu validé. Petite question, ton banquier t'a-t-il validé, tu validé. Tu bombes le top chez toi et tu validé, tu validé. D'où tu viens ici, personne t'a validé. Validé, diplômé seulement dans mon cœur, très mauvais élève, les profs ne m'ont jamais validé depuis mes débuts. Seulement si j'avais su refaire l'école, j'aurais pas quitté. J'aurais pas quitté, Maintenant je sais, en élevant ma fille, que ça devait être très dur pour le daron. Je l'ai fatigué de tous ses objectifs. J'ai besoin d'air, je crois que le morceau, je vais pas le clipper. En fait si, je vais le clipper, Validé, tu valides. Petite question, ton banquier t'a-t-il validé, tu valides. Je vais en paix, sors le calumet, calumet, calumet. J'ai un flow qui fait saliver, saliver, saliver. Toi ton bord n'est pas validé, validé, validé. Validé, validé, validé. Je vais en paix, sors le calumet, calumet, calumet. calibré. J'ai un flow qui fait saliver, saliver, saliver. Toi ton bord n'est pas validé, validé, validé. Validé, tu valides. Petite question, ton banquier t'a-t-il validé? Tu valides. Tu bombes le teuf chez toi et tu valides. Tu valides. D'où tu viens ici, personne t'a validé. Open Space. Mike Open Space, le soir sur Fun Radio. Et avec vous sur Fun Radio jusqu'à 2h du matin. Merci de nous avoir choisis, les amis. Vous pouvez nous rejoindre au 02 851 4x0. Les SMS, ça se balance au 3044. Il y aura le JT déjanté tout à l'heure. Ouais. On va se faire aussi la nouvelle star de l'Open Space. On continue de rechercher nos remplaçants pour l'année prochaine. Donc si vous voulez être à notre place, si vous voulez faire de la radio avec nous, vous inscrivez au 632, vous débitez message par M-I-K-E. Rinza, c'est ce qu'on va écouter. Je m'en fous. Le nouveau Rizza, on a été la première radio dans toute la Belgique à vous jouer, c'est Je m'en fous à venir. 3044 pour me demander les sons que vous voulez vous écouter. Et c'est l'heure du fucking juste prix comme chaque jeudi soir. J'ai ramené un objet puisque c'est moi qui ai perdu le fucking juste prix lundi. Ouais. Oui, lundi c'était quoi? C'était une épilation des sourcils. Ouais. Il fallait estimer le prix d'un rasoir. J'ai perdu et vous m'avez épilé la moitié des sourcils, bande d'enculés. Mais arrête un peu, on t'a enlevé 3 poils. J'ai ramené une bombe de déo. Mais qu'est-ce que tu vas faire avec? Axe. Je crains. Du déo Axe. Excite en plus. Excite, il y a combien de. Il y a 150 ml à l'intérieur. Tu l'as acheté où? Je l'ai acheté au Paki. Ok. Donc prix, prix Night Shop. Vous me marquez le prix. Sur un bout de papier, tout le monde dans l'équipe joue. Mais, d'accord. Mais tu peux d'abord dire ce qu'on va devoir faire, non? Oui, s'il te plaît. Parce que. Attendez, vous me marquez le prix et le perdant, celui qui sera le plus éloigné, devra se vider la bouteille de déo en 30 secondes. Vous irez dans les chiottes parce que bon, sinon ça va empêcher le studio. Donc en 30 secondes, hein. Donc vous notez tous le prix, s'il vous plaît, sur un bout de papier. Et d'après vous, combien ça coûte là? Dites-moi sur l'SMS au 3044. Une bouteille 150 ml d'Axe Excite, c'est le fucking juste prix du jour. Alors, c'est bon, tout le monde l'a fait? Bah ouais. Ouais. Alors Zézel, quel est ton prix? Ouais, tout à fait au hasard, 3,80€. 3,80€. Et je rappelle que le perdant, je suis pas loin, devra ramener le prochain objet. Je suis pas loin, j'ai mis 3,85. 3,85. 3,80 pour Coralie. Y'a une entente entre Coralie et Zézel ou quoi? Non, pas du tout, je crois que. Jérôme. Oui, du hasard. Tu mets combien? T'as vu que c'est au paquet, moi j'ai mis 5,28. Eh malheureusement, Jérôme, c'est le plus éloigné. Oh putain. Jérôme, c'est un paquet, mec, c'est un paquet, c'est normal quoi. Mais attends, attends, Mike, j'ai une question. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Parce que généralement, tu vois, c'est comme quand tu proposes un chewing-gum à quelqu'un, c'est qu'il pue de la gueule. Alors si je pue, dis-le direct quoi, tu vois, si tu voulais. Mais c'était à la base pour un message détourné, Jonathan. Jérôme, 30 secondes pour te vider ça, dépêche-toi, vas-y. Non, non, vas-y, mais vas-y, mais vas dans les chiottes. Mais oui, dépêche-toi! Mais j'ai pas la soirée! Mais t'as pas sans déconner! Allez, il se dépêche, il y va! Il va revenir, il va ressembler à un petit sapin là. Ouais, vas-y, dépêche-toi, dépêche-toi! Bon, il est parti, on va pas se mentir, c'est un message détourné, les gars! Message détourné! 3h49! C'était prévu! Non, mais non, on déconne! Non, c'est bon, c'est bon! Bon, c'est Jérôme qui ramène le dos pour le fucking juste prix! Dépêche-toi! 30 secondes! Bon, le temps qu'il fasse ça, c'est n'importe quoi! Je prends la vidéo et je vous la mets sur le Facebook Mike Open Space. Il y a Galantis qui arrive aussi pour la suite du Sundance Floor sur Fun. On va se faire No Money. Et prochain fucking juste prix, c'est quel est quand, Jonathan? Bah, du coup, on se le fait lundi. Lundi dans l'émission. C'est bon, Jérôme? Un entier, hein? Bravo, les vidéos à retrouver sur le Snapchat Mike Open Space. Mike Open Space. Mike Open Space. Reviens tout de suite sur Fun Radio. Le Facebook Mike Open Space. Et Jérôme, tu pues le déo, frérot. Putain. Avec Fun Radio, gagnez votre ordinateur portable Apple ultra léger et élégant. Le MacBook Air 13 pouces. Toute la semaine, écoutez Evan et la tribu dès 6h et l'Happy Hour avec Audrey dès 17h. Et repartez avec l'ordinateur portable que tout le monde veut. Votre MacBook Air 13 pouces d'Apple. En envoyant Mac par SMS au 6322. Un nouveau message. Merci Fun Radio. Les plus beaux cadeaux high-tech, ça se gagne uniquement sur Fun Radio. Le son dance floor. Fun. Fun Radio. Fun Radio. Fun. Le son. Up and down, up and down, up and down, up and down, up and down, up and down. Exploser le standard 02851 4x0 dans 5 minutes. Si pas bien, JT déjanté Galantis, c'est pour le Sun and Floor. Nouveauté fun, s'appelle No Money à mettre à fond. You can call me what you wanna. toute la Belgique, ramenez-vous chaque soirée si on fout le dawa. Namur, ramenez-vous 107.5 pour nous écouter à Soigny, 99.7. Partout à BX et 104.7, c'est l'Open Space jusqu'à 2h du matin sur Fun Radio, la dernière de la semaine. 02 851 4x0, Mike Open Space sur Fun Radio. Et on se met bien ce soir, on kiffe ensemble, ouais. Cette dernière sur Fun Radio. Encore, encore 2 heures de conneries à la radio, ah, et voilà. Ça c'est l'axe, ça c'est l'axe. Voilà, ça c'est l'axe. Il y a eu le fucking juste pris il y a quelques instants, oh là là. Le jour on a dû se vider la bouteille d'axe sur lui. Mais il l'a vidé vraiment ce con. Il a vidé les 150 ml et ça pue le déo dans tout le studio, dans tout le bâtiment Fun Radio. Non mais c'est en plus avec un déo comme ça, je pense que je fais 2-3 semaines, tu vois, donc se le vider en un coup, c'est Voilà, il y a l'artiste qui arrive sur Fun Radio, on va se faire Samva. Ça me va. Duan Peretta qui est derrière aussi. Et Minupil. Je crois que c'est la première fois de l'année qu'on est à l'heure pour les titres à la une de l'actualité demain. On vous les donne comme chaque soir, voici l'heure du JT déjanté sur Fun. Ah ça c'est mon nouveau producteur. Et ouais. Hello Gonathan. Hello Coralie. Hello à tous. Il ne participera pas à l'émission des chiffres et des lettres. Oui, Jean-Yves Lapin déclare avoir trop peur de Bertrand Renard. Attention. Un homme qui se masturbe devant vous, c'est peut-être juste un homme atteint de Parkinson qui essaye de faire pipi. L'homme est supérieur à un animal. Bah va dire ça à un ours polaire si t'as des couilles. C'est pas grave, vous avez le droit. Oui, c'est ce que les policiers disent à Guillaume Play quand il se gare sur une place handicapée. Les sosies à Hollywood. Pour avoir des nouvelles des candidats, un site internet est mis à votre disposition, le www.onem.be. Oups. Elle confond baguette et braguette et apprécie quand même le hot dog. Si la connerie était de l'essence, ce serait l'émission la plus utile du monde. Mike Open Space, avec Jus et Jonathan, jusqu'à 2h sur Fun Radio. Et on est là jusqu'à 2h du matin sur Fun Radio. Le si pas bien qui arrive, le jeu le plus dur du monde. On vous rappelle les règles, il ne faut ni dire si, ni pas, ni bien. Ni faire deux fois le même son, ni faire plus de 2 secondes de blanc. Si vous tenez 30 secondes comme ça, vous repartez avec quoi, Jonathan? On repart avec une montre connectée. Au 3044, on nous dit « Salut la team, moi j'ai 21 ans et j'ai rêvé que mes deux demi-sœurs » de 16 et 17 ans me suçaient et elles étaient pas dégueu. Oh putain, non mais c'est... Ah c'est gore. Eh. Oh mon dieu. Ah là c'est... Je crois qu'on a... On juge personne dans cette émission, hein, mais... Enfin ça dépend après si c'était demi-sœur mais récente. Genre tu les connais depuis 2-3 ans, tes parents sont mariés, tout ça. Ouais, voilà, mais si t'as grandi avec elles, c'est hyper malsain. Et si tu veux qu'on en parle, on va te rappeler, frérot, le numéro qui termine par 012, Coralie s'en charge. On écoute l'artiste sur Fun et puis juste derrière on vient avec le jeu le plus dur du monde. Peut-être une montre connectée qui va tomber ce soir. On fera la nouvelle star de l'Open Space également. Si vous voulez faire de la radio avec nous, vous envoyez un petit message de 3044. L'artiste, voici Samva sur Fun Radio Minute 2 en direct. Open Space, Libertad. Ils nous font croire que la vie est belle, que rien n'est mieux qu'ici-bas. Ils voient le monde en isocèle, nous imposent leurs faux débats. J'entends parler d'un rituel, mais tout ça ne m'attend pas. Comme un funambule, une hirondelle, je suis sur un fil et ça me va. Ça me va, ça me va. L'accord parfait, je vais faire comme si mon cœur battait en BPM piano forte. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ma vie, ma mascarade. Je vais me dévoiler comme convenu, comme l'ont fait tous mes camarades. Et de vos yeux impudiques, vous devrez me juger. Et pour l'amour de la musique, je devrais tout sacrifier. Ma famille, ma vie, qui je suis, tout ça on s'en fout. Du moment que le son tourne. Moi j'ai tué ma jeunesse, je suis la victime et le coupable. Des gosses qui pleurent, des gars qui t'envient, des propositions de femmes cougars. Et le boss qui veut absolument que tu viennes boire un verre au comptoir. Et mon foi dans tout ça, et ma foi dans tout ça, ma foi de une goussa. Mais je suis marié, petite couscoussa. Ça me va, ça me va, ça me va, ça me va, ça ira, ça ira, ça me va. Ça me va. Et en direct sur Fun Radio. Une galère, appelez l'Open Space. Go 02 851 4x0. Mais soyez bons. Jusqu'à 2h du matin, c'est l'Open Space avec la suite du son. Il y a Julien Peretta qui allait dans 5 minutes. On va se faire un cry. That's why. Vanessa sur les SMS au 3044. Il y avait Thibaut qui voulait s'écouter aussi tout à l'heure. Julien Peretta, calé pour vous les amis. On nous dit hello l'équipe. Dur de se savoir jeudi et de devoir attendre lundi pour vous réentendre de nouveau. Bises à tout le monde et surtout à Mike. C'est Rachel qui me dit ça. Merci ma chérie d'amour Rachel. Ça te fait quoi Coralie que j'appelle Rachel ma chérie d'amour? Je ne le pense pas. Bien sûr que si je le pense. Alors là, sinon je le dirais pas. Moi je suis pas du genre à parler sans dire que tu le penses. Bah bien sûr que je te regarde dans les yeux et je te dis que je le pense, Coralie. Entre toi et moi c'est fini. De toute façon, la Belgique. Il va falloir que je passe à autre chose, Coralie. Même si j'en ai pas envie, il va falloir que je passe à autre chose. La Belgique. Il a vraiment un tout petit zizi. Mais vraiment les gars. Non mais tu sais, à force de le répéter, etc. Jonathan l'a eu dans le cul. Jonathan l'a eu dans le cul hier, il peut être quand même. Non mais j'ai des arguments, il est asiatique. Cherchez pas plus loin. C'est un asiatique. Non mais c'est quoi ces clichés de ouf? Chaque soir dans l'Open Space, on se tue à démentir les clichés, on fait le SOS cliché en début d'émission chaque soir. Et bah appelle un asiat et demande lui s'il a une petite bite. Non justement. Bah ouais d'accord, on va appeler un monsieur chinois lundi. Ok. Et ben voilà. Non mais attends, c'est quoi ce racisme ambiant Coralie? On fait l'inverse. Demain on appelle un monsieur bite et on demande s'il est chinois. D'accord, mais tu l'appelleras tout seul demain. Parce que demain on n'est pas à l'antenne. Lundi. Mais lundi, pourquoi pas, on peut se faire ça comme ça. Coralie fermera sa bouche. Salut, je suis un petit peu en retard pour vous écouter. Gros big up à Mike et à l'équipe. Vous faire sans vous écouter pendant les vacances. Je vais être dégoûté, vous manquerez. Et le directeur, garde-le, car ils sont les bestes. C'est Déby qui nous dit ça. Merci beaucoup. Merci Déby. Ça fait plaisir vos SMS. Il y a le si pas bien qui est calé dans 5 minutes. Je vous laisse encore 5 minutes pour vous inscrire. Au 63 22 pour repartir avec une montre connectée ce soir. Prenez votre GSM, vous tapez le code MIKE, comme ça on reçoit ça sur notre sur l'écran qui correspond, hein, sinon ça arrive pas sur le mauvais écran, on peut pas vous rappeler. MIKE au début du message plus le code si pas bien au 63 22. On se fait ça dans 5 minutes. Voici pour l'instant de vraies infos que vous aurez oubliées dans 5 minutes. Voici l'heure des infos. Balayeux. Balay couilles, balay reins, balayeux, c'est balay glaoui. Balay couilles, balay reins, balayeux, c'est balay glaoui. Attention, c'est les infos. Bah, les couilles, ça, RL. Écoutez bien de vraies infos que vous aurez oubliées dans 5 minutes. Dinosaure, c'est un mot issu du grec et ça signifie. Est-ce que vous savez ce que ça signifie? Non. Ça signifie terrible lézard. Bah, couilles, ah bon. Bah, c'est aussi un mot qui désigne l'animateur de l'émission Vivement Dimanche. Bah, ou le présentateur. Quelle était la particularité des premiers cheerleaders, d'après vous, Jonathan? C'est les cheerleaders, c'est les pom-pom girls. Ouais, c'est ça, ouais. J'en sais rien. Zezel, pardon, Coralie. Je sais pas, c'était tous des hommes? Non. Ah oui, exactement, pardon, oui. Les premiers, c'était tous des hommes. Ah ouais? Ouais. Et après seulement, Magloire a décidé de devenir présentateur et acteur télé. On a retrouvé les VH People. Et j'ai une dernière info inutile pour vous. Un homme sur trois trouve qu'il cuisine mieux que sa mère. Voilà. Ouais. Et le fils à Jamel trouve que son père fait très mal les œufs brouillés. Voilà. C'était les infos. J'en ai d'autres, je vous les redonne avant 2h du matin sur Fun Radio. On nous dit le principal, c'est de savoir s'en servir, Coralie. Et la taille de la teub ne veut rien dire. Rachel qui nous dit ça. Dans ta putain de gueule. Il sait pas s'en servir, il m'a jamais fait jouir, vous l'aurez pas. Mais non, mais en même temps, t'as vu ta gueule. Qui a envie de te faire jouir? Non, mais tu. Arrête, t'as vu sa gueule à lui ou quoi? C'est pas la taille qui compte. Il s'en sert bien, ça m'intéresse. Lol, c'est Deb qui nous dit ça sur les SMS. T'es à fond là. Tu vois, Coralie? Bah tu vois, tu ne veux plus de moi ma chérie, mais il y a plein de filles sur les SMS. Mais si, moi je veux toujours de toi, c'est toi qui veux plus de moi. Ah, donc c'est ça, donc t'avoues devant toute la Belgique que t'es juste une rageuse. Non, je suis pas une rageuse. Et que tu balances des dossiers sur moi. Arrête, elle est amoureuse, la tassera de vous. Ah, tassera 2000, les gars, tassera. Allez. Ah, c'est toi qui m'appelles tous les week-ends, hein. Bah j'ai besoin de... Bah, j'ai plus 40 euros en ce moment ma chérie, tu comprends. Mais c'est pour ça que tu fais jamais l'amour. Tu fais quoi ce week-end d'ailleurs? Je sais pas en fait, j'ai des plans prévus. On se voit ce week-end? Mais j'ai des plans. Tu vois qui? Ah écoute. Non mais attends, je dois partir en France là. Non, mais ça en plus je l'ai vu, j'ai capté, elle a réinstallé Tinder sur son téléphone. Non. Je te jure que c'est vrai, ça fait à peine 3 semaines qu'on s'est séparés, elle a réinstallé Tinder sur son téléphone. Attends. Elle m'a swipé à gauche. Tu veux savoir le nombre de matchs que j'ai eu? Ouais. Ah, j'ai plus de batterie, merde. Tu dis ça dans quelques instants, Coralie. Oui. Et je vais analyser tes matchs un petit peu. Je veux valider le prochain, tu vois. Je suis le dernier, donc je veux valider le prochain, Coralie. Ouais, ouais. J'analyse tes matchs dans quelques instants. Si pas bien, à venir, Julian Peretta, c'est pour le son soir aussi à Cry sur Fun Radio. So hard to think about what we could have been. Where love could have taken us. Blame it on the wind and cry, cry, cry. You know why. I'm drowning in an ocean of salt water. Cry, cry, you know why. I'm drowning in an ocean of salt water. I couldn't make it any more harder. That's why. Fidèle au poste comme chaque soir, merci d'être branché les amis sur Fun Radio. Il est minuit passé de 13 minutes, vous nous appelez pour venir faire vivre ici la liberté d'expression. Un seul numéro, Coralie vous le rappelle. Le 02 851 4x0. C'est bon, t'es calmé? Non. Merci. Oh là là. Ça sera. Il y a Jonathan aussi qui est dans la place. Il y a Jérôme Yazézel qui tue avec les SMS que vous envoyez au 3044 et au 6082 pour jouer avec nous. Vous commencez le message par M-I-K-E. Les Global DJ, tiens, le duo DJ français, c'est ce que je vous cale dans quelques secondes. Ah, ils sont italiens, pardon. On me susurre ça dans l'oreillette. C'est Work qui arrive dans 5 minutes sur Fun. Demandé entre autres par Mathilde sur les SMS. On nous dit au 3044, en même temps, personne ne l'a jamais fait jouir. Ah oui, c'est pour Coralie tout à l'heure qui disait que je n'étais pas parvenu à lui donner un orgasme. Eh ben, en 6 mois de relation. C'est faux. Quelqu'un m'a fait jouir. Ah bon? Oui. Qui était cette personne? Je ne te le dirai pas. Ça ne te concerne pas. Comment était-elle physiquement? Bah, normal. Ah, était-elle la personne, je parle? Normal. Ah, d'accord. Mieux que toi. Ah ouais. Il y avait plus de potentiel. Ah ouais. Ah ouais. Ok. Bon, c'est bah, excusez-moi, je suis sur. Je sais même pas quoi dire. Allez, c'est parti pour le si pas bien, le jeu le plus dur du monde. Et il ne faut ni dire si, ni pas, ni bien, ni faire deux fois le même son, ni faire plus de 2 secondes de blanc. Si vous tenez 30 secondes comme ça, vous repartez avec une montre connectée. On y va pour le si pas bien. Coup d'envoi, Jonathan. C'est le si pas bien, pas bien dans Mike Open Space. Le jeu le plus dur du monde. 02 851 4x0. Serez-vous à la hauteur? Et c'est la question à laquelle on va tenter de répondre dès maintenant, comme chaque soir sur Fun Radio avec Kevin qui est avec nous. Bonsoir Kéké. Bonsoir. Ça va Kevin? Oui, ça va. T'as 25 ans, tu m'appelles de quelle ville? Je viens de Liège. D'accord. Et tu fais quoi dans la vie? Je suis au Parc et Jardin. Deux fois je suis. Enfin, deux fois je viens de Liège et je suis. Oh, bande d'enfoirés. Vous êtes durs. Hein. Ne bouge pas, Kevin. Orlan est là pour Jonathan. Salut Orlan. Bonsoir. Comment tu vas? Ça va bien. Ça va bien. Ah ouais, elles sont bien. Si pas bien, Orlan. Merde. Oui, pas deux fois le même son, pas deux secondes de blanc. T'appelles d'où, Oriane? Orlan, pardon. De Otigny. Otigny, très bien, ne bouge pas. Charlotte est là. Allô, Charlotte? Salut. Ah, Charlotte qui devait être là. Allô, Charlotte? Oui, je suis là. Ah, bonsoir, Charlotte, salut. Bonsoir. Salut. Salut, salut, Charlotte. Deux secondes de blanc. Bah ouais, mais Charlotte, réponds quand je te parle. Oui, j'ai l'impression que ça coupait. Ne bouge pas, ma chérie. Allez, deuxième tour dans ce si pas bien avec Kevin pour Jonathan. Salut Kev. Ça va? Ouais, tranquille, et toi? Ok. Tu vas faire quoi ce week-end? Je sais pas encore. Je sais pas. Le son pas. Oh bordel, concentrez-vous, merde. C'est le jeu le plus dur du monde, faut être à la hauteur un petit peu, Kevin. Tu vas te taper la honte demain en arrivant au taf, frérot. Si pas bien, pas deux fois le même son, pas deux secondes de blanc. Orlan. Oui. Orlan, tu connais le foot ou pas? Non. Tu connais pas ce joueur qui s'appelle Djibril? Djibril comment? Je sais point. Tu sais, il est swagué et tout. Je vois pas. Oui. Deux fois oui. Deux fois E aussi. Hein. Merde. Je sais point, oui. Bouge pas, Orlan. Tiens, vas-y, Coco, fais Charlotte qui est là. Salut, Charlotte. Je suis là. Comment tu vas? Je vais bien. Ah, merde. Et Charlotte, tu te fais piéger deux fois sur le mot bien en plus. Ouais. Mais bouge pas, et concentre-toi, il te reste une chance, ok, Charlotte? Okay. Concentration maximum. Kevin est toujours là, 25 ans à Liège, Kéké. Oui. Bon, tu connais le football, toi, Kevin? Un peu. Bon, il s'appelle comment alors ce footballeur qui a joué à la JOCR là, Djibril comment? Je me rappelle plus. Tu te rappelles plus? Djibril, putain, non. Djibril si quoi? Franchement. Tu t'en souviens plus, bon, quoi? Aucune idée. Et le numéro 10 du FC Barcelone, tu le connais ou pas? Le petit là? Peut-être. Il s'appelle comment alors, Lionel comment? Je ne saurais plus dire. Il a quand même dit plusieurs fois E et il était à 2 secondes de blanc là. Quand même. Il était à 2 secondes, secondes de blanc là. Il était à 2 secondes de blanc. Monsieur l'arbitre nous l'a signalé. Je suis désolé Kevin quand l'arbitre le signale. On ne peut pas revenir dessus. Bonne soirée mon Kevin, c'est perdu. Il était plusieurs fois à 2 secondes de blanc mais on lui a laissé quand même. Hein. Bah fallait le signaler. Moi j'avais pas repéré qu'il y avait 2 secondes de blanc. C'est pas moi qui ai le chrono. Ouais. Fait chier celui-là. Kevin, bonne soirée. Ciao. Ciao, ciao. À bientôt gros. Orlan pour Coralie, tiens. Salut Orlan. Bonjour. Bonjour. Tu vas bien? Au revoir. Ouais, bonsoir, ouais. Mais non, mais elle a dit deux fois bonjour. Ah, bonjour, bonsoir, de toute façon. Non, mais elle a dit deux fois bonjour aussi. Ah, d'accord. Salut, Orlan. Perdu. Salut. Désolé. Mais j'ai rien dit. Bah, t'as rien dit, mais si, t'as dit bonjour, bonjour. Deux fois le son bonjour. Ouais, mais c'est pareil. Ah, bah non, bah, il y a des règles et il faut les respecter, ma petite Orlan. Gros bisous, bon week-end. Oui. Et tu retentes ta chance quand tu veux aussi pas bien, Orlan. Charlotte est là. Ce sera la dernière ce soir. Allez, Charlotte, tu vas bien? Oui. Tu vas faire quoi ce week-end? Tu vas sortir? Certainement. Ok, tu vas sortir où? T'es pas de Bruxelles toi, non? Non. T'es d'où? Je suis de Wavre et normalement je sors à la mer. D'accord, et à Wavre il y a un parc d'attractions, comment il s'appelle? Walibi. Ibi. Ah, Walibi. Deux fois le son I. C'est perdu Charlotte, combien de secondes pour Charlotte? Et 27. Oh, on était pas 27. Mal Charlotte, on était pas loin de gagner la montre connectée ma petite Charlotte. Je t'invite à retenter ta chance lundi dans l'émission, ok? Ok. Bisous Charlotte, passe un bon week-end Charlotte. Et personne, à toi aussi, et personne ne nous a battu ce soir dans l'open space. Qu'est-ce qu'on leur met dans leur gueule aux auditeurs, Jonathan? On leur fout la pute, hein, musique de la louve. Eh oui. On vous a niqué. Impossible de nous battre aussi pas bien ce soir encore. Prochaine session qu'elle est lundi si vous sentez l'âme d'un gagnant. Si vous pensez pouvoir nous battre, attention hein, c'est au risque de vous taper la honte en arrivant au bahut le lendemain. Ouais. Et bah vous inscrivez par SMS au 6032, vous débutez le message par M-I-K-E et la prochaine session c'est lundi 23h dans l'émission. J'aime bien celui qui appelle à la place de Zezel. Il a une belle voix, mignon, un big up à lui et à Zezel. C'est Deb qui nous a au 3044. Donc Jérôme, tu commences à. C'est dur les auditrices. Voici le son des Global DJs sur Fun Radio. Et puis juste derrière, on vient avec la nouvelle star de l'Open Space. Qui prendra notre place l'année prochaine? La réponse après Rock. Merci d'être là, c'est l'Open Space. Turn up the radio. Il est là pour retourner la Belgique. Mike Open Space sur Fun Radio. Et on est là en direct partout en Belgique, ouais. Sur Fun Radio dans l'Open Space. Merci de nous avoir choisi les amis. On vous attend aussi sur la page Facebook, sur les réseaux sociaux de l'émission. Le Facebook, Coco, c'est Mike Open Space. Allez cliquer like si ce n'est pas encore fait. Oui, et il y a d'ailleurs Sad qui nous envoie un message et qui nous dit... vous déchirez les... Bonjour, bah non, je vais recommencer. Bonsoir les amis, vous déchirez comme dame. Il y en a qui... Merde, mais tu n'arrives plus à... Mais qu'est-ce qui t'arrive là? Putain, on n'a pas fait de points réseaux sociaux, je devais... Tu lances une fois, ça y est, c'est, non, en fait, c'est la merde. Non, en fait, je t'explique, parce que je viens d'arriver à ma place et que j'avais pris mon verre d'eau pour venir ici et j'ai légèrement renversé. Et du coup, je me suis tapé une barre légère avec Jonathan, mais moi, sauf que moi, j'ai continué à rire et du coup, j'arrive plus à me concentrer. Voilà, c'est tout. Merci beaucoup. Bref, je peux recommencer? Ouais. Bonsoir les amis, vous déchirez comme d'hab. Vive l'Open Space et un grand bonjour à Mike, John, Coco, Maître Kevin, bisous, et à toute l'équipe. Avec un petit cœur. Et bah, bisous, ah, bisous, l'équipe aux auditrices. Voilà, sinon, on a un message de Kurvan qui nous dit hello, ça va? Dites, j'ai une pote qui me demande pour passer à l'antenne, est-ce que vous pouvez l'appeler, s'il vous plaît? Ce que j'aime bien chez toi, Coralie, c'est que parfois, on fait des vannes que... Enfin, je fais des vannes que j'ai recherchées pendant 3 heures. Genre, j'étais 3 heures devant ma feuille blanche, elle reste stoïque, et là, elle se tape une barre de rire pendant 10 minutes parce qu'elle a renversé de l'eau de son verre. Non, mais je pense, et c'est peut-être pas vraiment pour toi ce que je vais dire, mais je la trouve plus heureuse et plus rigolote depuis que vous êtes plus ensemble. Voilà. Allez, tous vous faire enculer. Ray Jackson, Martin Solveig qui arrive dans 5 minutes. Toi aussi, tu vas être heureux sans moi, Jonathan. Je vais te le dire. Martin Solveig, c'est ce qu'on va s'écouter. Et avant de faire la nouvelle star, il y a Maxime qui est là, 35 ans, Charleroi. Salut Max. Hello Max. Max. Maxime. Bordel de sa race, Maxime. Est-ce qu'on peut reprendre Max? Est-ce qu'on peut le réveiller? Oui, s'il vous plaît. C'est la seule émission de la bande FM où est-ce que tu parles à des gens et ils te répondent pas, Corley. Je sais pas ce que vous rendez à Team Standard ce soir, mais merci beaucoup. Martin Solveig qui arrive, Willie Jackson. Il y aura aussi tout à l'heure la nouvelle star de l'Open Space. On va essayer de trouver nos remplaçants. Ça arrive juste après. Oui, si vous voulez faire de la radio avec nous, vous avez 2 minutes. On vous laisse carte blanche. Ouais. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Billet d'humeur, un petit jeu avec des auditeurs avec nous. Vraiment, vous avez carte blanche pendant 2 minutes. Voilà. Et à l'issue de ces 2 minutes, on vous fait faire une petite intro musicale. C'est on ça. Vous donne une note et la meilleure note eh bien repartira avec une montre connectée et on ira le pistonner chez le patron. C'est ça, et on peut peut-être rappeler juste les scores des candidats précédents. Il y a eu Laurence qui a eu 4,1 sur 10 et Issam qui a eu 5,5 sur 10. Donc tout est possible. Tout est je crois que c'est Gabriel qui passe ce soir, un truc comme ça. Maxime est là, salut Maxime. Salut tout le monde. Ah, salut Max. On t'a récupéré Maxime. 35 ans, tu m'appelles de Charleroi, c'est bien cela. C'est ça. Bon, Maxime, tu veux faire un des full room ce soir? C'est ça. Ça concerne quoi ton défaut room, dis-moi tout? Bah, il y a ma belle-mère qui est venue s'installer chez nous. Ouais. Il y a eu un incendie chez elle. Et voilà quoi, elle squatte depuis 6 mois. D'accord. Ça fait 6 mois qu'elle squatte chez nous et elle pourrait rentrer chez elle en fait. Ça a déjà reçu l'argent de l'assurance et tout ouais. ça. Les indemnités. Mais elle reste chez nous quoi. Elle aime bien ça avec sa fille, se retrouver après le boulot, je sais pas quoi. Et voilà quoi, c'est un peu collant. Et ça te fait chier? En fait, on habite dans un style de loft et il n'y a pas de porte, tout est ouvert. Ah. La chambre, le salon, tout est ouvert. Ça va être sympa niveau intimité okay. avec ta meuf, ouais. Un grand. Ouais, voilà. Voilà. D'accord. Et elle fait chier la belle-mère, elle impose sa loi, tout ça? Elle est un peu collante quoi, avec moi ça fait 6 mois, soi-disant je suis en couple, mais je fais rien quoi. Et t'as essayé de lui en parler, ouais. de lui demander de trouver un autre appart, enfin de lui dire ce serait bien que vous maintenant, ça fait 6 mois quand même, vous avez eu l'argent de l'assurance, ce serait bien de partir quoi. J'en ai parlé avec ma meuf, mais pas avec elle directement. D'accord, et ta meuf a essayé de lui en parler du coup derrière? Je pense pas. Ah non, pas. Même pas. Mais ta non, meuf, je pense pas. Elle est satisfaite de la situation, ta mère, ta meuf pardon, elle est pas dérangée d'avoir sa mère sur le dos? Non, elle est pas dérangée, voilà, c'est pour elle c'est sa mère, quoi, c'est normal. C'était normalement elle devait aller à l'hôtel, c'est l'assurance qui paye l'hôtel. Ouais. Mais c'est elle qui a proposé de venir à la maison et tout ça, et puis voilà, comme maintenant ça fait 6 mois. Après que ouais, un vrai pot de colle. Que tu l'héberges pendant que c'est la merde pour elle, etc. Quand elle est à la rue plutôt qu'elle aille à l'hôtel, c'est normal. Mais là derrière, ça fait 6 mois qu'elle a eu l'argent de l'assurance. Ah, maintenant, elle pourrait bouger. Bah tu sais quoi, fous le feu à la maison pendant que ta belle-mère est dedans. On va pas fermer chez lui, quoi. Non, je déconne. Fais pas ça. Attends que ta belle-mère dorme, ce sera plus efficace. Là, c'est ce que j'ai fait avec la mienne, quoi. Je m'attends, déjà eu des problèmes avec ta belle-famille. Non, jamais. Franchement, j'ai toujours. On rappelle que tu sors avec ta mère, hein, évidemment, donc ça fait. Ça facilite les choses, ça facilite les relations. Choses. Exactement, non mais mis à part ça, non, j'ai jamais eu de problème. Je suis toujours tombé sur des gens très corrects et tout, donc il n'y a jamais eu de problème. C'est plutôt moi qui étais en galère en fait. Donc c'est plutôt ma belle famille qui m'hébergeait et tout ça, donc ils ont toujours été très gentils. Mais par contre, c'est vrai qu'à l'inverse, si un jour ça se passe, dans mon 25 mètres carrés, ce sera compliqué. Tiens, on va s'éloigner vite fait des belles-mères. J'aimerais savoir dans l'équipe, dans l'équipe et chez vous, au 30-44, j'ai envie de vous demander ouais. ce que vous sauveriez en premier si votre maison était en feu. Si vous pouviez. Sauver un seul objet, dites-moi sur les SMS au 30-44 dans l'équipe Coralie. Mon téléphone. Le téléphone, pourquoi? Ah ouais, parce qu'il y a toute ma vie dedans, tout simplement. Moi je flippe tellement, je suis tellement un toqué dans la vie. Je pense si ma maison brûle, je rentre pour vérifier quand même que j'ai bien fermé le gaz. On sait jamais qu'il y a une merde derrière, Jonathan. Je partirai avec ma dignité quand même. C'est la seule chose qui reste. Donc j'ai vendu mon ordinateur, j'ai vendu ma télé, il me reste ma dignité, je vais la prendre avec. Hein. Oublie de me dire, je viens de finir mon souper et Coco, je la trouve super et marrante. Big up Coco, apparemment un mec qui veut te pécho. Merci. Encore un. Envoie-moi un petit SMS. Thibaut nous dit, moi c'est une photo de Loana datant de sa période dans le loft, car se rappeler c'est important. Oh. Ah, moi, j'embarque mon chargeur d'iPhone moi. Ah ouais. Moi, si j'ai un truc à choisir, c'est mon chargeur d'iPhone, évidemment le téléphone que j'ai dans la poche. Non mais sinon, l'iPhone, t'as tellement de batterie, tu sors de chez toi, t'as le temps de dire à ta meuf, chérie, il y a un truc très très grave. En fait, je... Et là, plus de batterie. Ah, si t'as pas de chargeur, t'es dans la merde. Grave, grave. Jonathan, t'embarques quoi toi? Non, sérieusement, je pense... À part que la dignité. Je pense que j'embarque mon chat. C'est la première chose que je sauve. Chez moi, j'ai rien d'important, à part mon téléphone et tout ça. Mais je veux dire, vraiment, c'est mon chat, quoi. Je tiens à mon animal et c'est normal, quoi. Voilà. Non mais en plus, si mon chat flambe, qu'est-ce que je vais en faire à part le bouffer, quoi, tu vois? Oh, je peux plus le vendre, il m'apportera rien, donc voilà. Un chat flambé, moi j'en sais rien. Maxime, donc toi t'embarquerais pas ta belle-mère en tout cas? Non, pas du tout. La part de flambe, tu le laisses à l'intérieur. Voilà. Bon frérot, fais-moi rêver, t'as 30 secondes pour insulter ta belle-mère qui squatte chez toi depuis 6 mois. T'es prêt? Ça va. 3, 2, 1, on y va, les go. Oui, espèce de pot de colle, espèce de con, rentre chez toi, t'as déjà eu de l'argent de l'assurance, ça fait 6 mois tu glandes chez moi à la maison, tu me perces les couilles à chaque fois que je rentre, je suis tout seul, je peux même pas parler avec ma meuf, comment on dit ça? Bref, j'ai oublié, laisse-moi niquer ta fille, bordel, rentre chez toi, ciao. Je te calme, oui. Il voulait l'insulter, puis c'est fait. Non, juste laisse-moi niquer ta fille. Laisse-moi tranquille, s'il te plaît. Bon, Maxime, t'es soulagé? Ouais, ça soulage. Qu'est-ce qu'on nous dit sur l'SMS? Fabrice nous dit j'emporte avec moi le portrait de Charles Michel ainsi que le dossier de presse relatant l'ensemble de son œuvre à la tête de la Belgique. Très bien. Mona nous laisse aussi un petit message. Il nous dit la vidéo du discours politique de Charles Michel, car quand il ne savait pas, il faut bien se marrer. On nous dit au 30-44. Bon, Maxime, frérot, merci de nous avoir appelé, mon pote. Merci à vous. Tu reviens quand tu veux dans l'émission. Et bah, gros big up à toi aussi, ok? Merci. À bientôt, Maxime. À bientôt. On fera d'autres défoulerons plus tard dans la soirée si vous voulez en faire un avec nous. Insulter quelqu'un qui vous a fait chier aujourd'hui, n'importe qui, n'importe quoi. Vous inscrivez par SMS au 3044. Vous nous envoyez un message ou par téléphone au 02 851 4x0. Nouvelle star de l'Open Space qui arrive avec Geoffrey, 30 ans, à Wavre, qui veut faire la nouvelle star. Il veut faire de la radio avec nous. Il aura 2 minutes carte blanche. T'es là, Geoffrey? Ouais, bien sûr. Ça va, Geoffrey? Au taquet, bien sûr. Bon, c'est toi mon futur remplaçant, ça se trouve. Ouais, c'est certain. Mais... Bah, je te le souhaite, mon Geoffrey. Ne bouge pas, on va voir ça juste après. Martin Solveig, il m'a dit c'est certain quand même. Hein, ouais, la confiance. Ray Jackson dans l'Open Space. Radio, merci d'être branché ici chaque soir. L'émission la plus incontrôlable du pays avec vous. Toute une génération pour foutre le bordel. Mike Open Space. Mike Open Space, le soir sur Fun Radio. Et que du gros son pour s'ambiancer tous les soirs sur Fun. Il y a Justin Timberlake qui arrive, le nouveau là, le son que l'un des sons que je kiffe le plus en ce moment. Can't Stop the Feeling, c'est ce qu'on va s'écouter. Allez, tu pars. Nothing I can see but you when you dance, dance, dance. Feel like a good creeping up on you, so just dance, dance. Avant 1h du matin, je vous cale Tiny Tampa aussi, David Guetta, le son officiel de l'Euro 2016. Ouais. Allez les Diables Rouges. Justin Timberlake qui arrive et Geoffrey qui est avec nous, 30 ans à Wavre. T'es toujours là, Geoffrey? Bien sûr. Bon, mon petit Geoffrey. T'es animateur radio, Geoffrey, ou pas? Un petit peu, ouais, pour passer le temps. T'es sur quelle radio, toi? Alors, c'est, je sais pas si vous pouvez donner le nom, c'est peut-être radio locale. Vas-y, donne. Dans la région de Jodogne, ça s'appelle Passion FM. Passion FM, d'accord. Ah, voilà. De la passion, des hits et du cul également. Passion FM. J'aime beaucoup l'esprit de la radio. Geoffrey, donc tu vas faire la nouvelle star de l'Open Space avec nous. Je rappelle, on a eu nos bulletins de notes. C'est pas fameux du coup. Ah non. On s'active nous-mêmes, on prend les devants pour trouver celui ou celle qui sera à notre place la saison prochaine. Geoffrey, ce sera peut-être toi, en tout cas on te le souhaite. Je vais te laisser carte blanche pendant 2 minutes, mon petit Geoffrey. Tu nous as préparé quoi? Alors on va un peu parler tout, je vais un peu vous expliquer ce que moi je compte faire si je débarque chez vous et passer du bon temps ensemble. Ah carrément. Ah d'accord, t'as déjà le programme et tout. Ah oui bien sûr, tout est prêt déjà. Alors un homme politique, alors Nicolas Sarkozy Geoffrey qui va y aller dans la nouvelle star de l'Open Space. Donc Geoffrey je te laisse 2 minutes, d'accord. Tu peux nous poser des questions, tout ça, sinon on te répond pas, on te laisse. Et à l'issue de ces 2 minutes, je te fais faire une petite intro musicale et ensuite on te donne des notes. Ouais. Et si tu as la meilleure moyenne, tu repars déjà avec une montre reconnectée et on ira te pistonner chez le patron pour nous remplacer la saison prochaine. Et vous pouvez donner des notes à Geoffrey aussi, les amis, vous les balancez au 30-44. On nous dit si tu dois te tailler, j'écoute plus. L'habitude et c'est sûr, c'est pas une blague, j'adore l'équipe et ton émission, c'est Déby qui nous sert à battre un amour. Ça fait plaisir. Merci beaucoup Déby. Geoffrey, t'es prêt? Bien sûr. Nouvelle star de l'Open Space, c'est parti, t'as 2 minutes. Alors salut à tous, moi c'est Geoffrey, je viens de la région de Wavre, j'ai 30 ans. Ensemble, on va faire une émission qui va cartonner avec des actus cinéma toutes les semaines, tous les jours. On parlera des sorties cinéma qui se passent sur les salles obscures de cinéma, sur les écrans blancs. On parlera aussi de l'actu People avec toutes les vedettes, tous ceux que vous aimez. On va parler d'eux, bien sûr, sur Fun Radio. Et de plein de choses. On ira également se promener dans les actus, dans les actualités des parcs avec les grosses sorties, les gros moments à ne pas louper dans les parcs d'attractions. Bien sûr, je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment ça. On parlera de tout. On s'écoutera le meilleur son dance floor, bien sûr. Et plein de bonnes choses encore à découvrir. On parlera également de vos problèmes d'amour, pourquoi pas avec votre copine ou votre mec. Bref, on sera là ensemble. Il te reste 1 minute 30. Tu te démerdes. Je me démerde. En attendant, vous êtes dans l'Open Space avec Mike, Coco, au standard. Qui aujourd'hui le standard fonctionne comparé à lundi. Ils ont bien fait ça. Ils ont réparé tout aujourd'hui. C'est parfait, tant mieux. Ils sont au taquet quand même chez Fun, il faut dire la vérité. Et puis il y a John aussi qui est là, il y a le stagiaire, Jérôme, j'espère qu'il s'en sort bien. En tout cas, ne soyez pas trop sévère avec lui, ou alors mettez-lui des tartes. De toute façon, son nez, comme on a pu voir sur le Snapchat, on peut comprendre. Et puis voilà, plein de choses à découvrir ensemble, et j'espère qu'on va passer un très très bon moment en notre compagnie. D'accord. Bon, mal, t'as fait 1 minute 30, normalement il restait 30 secondes. Mais on va s'arrêter là, mon petit Geoffrey. Avant de débriefer, je te fais faire l'intro. Balancez vos notes déjà au 30-44, les amis. Mike, salut l'équipe, je vous écoute depuis 3 ans, juste trop fort. Ah. C'est pas 3 semaines. Alors c'était pas nous, parce que. Ouais, c'est marqué 3 ans. Ouais, mais il y a S. Enfin, ça écrit un peu bizarre. Bon, en tout cas, c'est sympa, quoi qu'il arrive. Mais bon, nous, on est là depuis septembre. Ouais. Geoffrey, je te fais faire l'intro musicale. Geoffrey, c'est du Justin Timberlake. Tu vas annoncer le prochain titre, Can't Stop the Feeling, d'accord? Okay. Tu as 18 secondes. C'est bon, Geoffrey? Ouais. Donc, t'annonces, tu te mets dans le rôle de Fab, l'animateur du 13-17. Tu dis salut, on est sur Fun Radio, tout ça, c'est l'Open Space. Dans quelques instants, il y aura ça, ça, ça et ça. Mais tout de suite, on écoute Justin Timberlake. Enfin, tu l'as fait à ta sauce, ok? Ok, voici. Alors, attention, vous balancez vos notes au 30-44 et dans quelques instants, nous débriefons cette nouvelle star de l'Open Space à minute 39. 3, 2, 1, intro musical, c'est parti, deuxième épreuve. Welcome, bienvenue dans l'Open Space, c'est Geoffrey avec vous, vous êtes sur Fun Radio, on s'écoute le tout prochain son de l'été, ça c'est un certain, ça va faire un carton, c'est le nouveau Justin Timberlake, mademoiselle, attention, avec ses beaux yeux, il arrive rien pour vous. Il te reste 7 secondes, il te restait 7 secondes, mon petit Geoffrey. Moi je n'ai pas le chronomètre sous mes yeux. Ah il fallait gérer avec le chronomètre, bon alors, attention. Débriefons un petit peu cette prestation de Geoffrey. Coralie aka Marianne James. Rapport à la taille de son cul. Mon cul t'emmerde. Et c'était pas mal. Franchement, c'était pas mal. Maintenant, c'est tu parles un peu vite, tu répètes beaucoup la même chose aussi. Il faut faire attention à ça parce que il y a beaucoup de bien sûr, il y a beaucoup dans quelques instants, etc. Ça revient très très souvent. Donc, faut vraiment que tu fasses attention à ça. Voilà. Sinon, c'était vraiment pas mal. Ta note ? Je mettrais un 6 sur 10. On nous dit 5 sur 10 par SMS, 8,5 pour Mathieu aussi. On dit c'est bof, non 3 sur 10, on nous dit 8 sur 10, 6 sur 10, c'est assez hétérogène au niveau des notes. Ouais, alors moi franchement je trouve ça pas mal. Il a, quand il faisait sa petite chronique, il disait trop bien sûr en fait. Donc ça faisait bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est toi qui parle. Mais oui, c'est moi qui parle, mais c'est pas mal. Franchement, j'ai vraiment trouvé ça pas mal. Non, mais alors lui, écoutez bien Jonathan, quand vous écoutez l'Open Space, il dit tout le temps, non mais sans déconner. Il peut le dire 15 fois en une minute. J'ai remarqué ça chez toi, Jonathan. Mais parce que je suis le mec le plus sérieux, sans déconner. Ok, très drôle. T'es le mec le moins drôle du monde aussi. Vraiment sans déconner, je te donne un 8. Un 8, un très beau 8. Un très beau 8. Un très beau 8. Eh bien moi, Geoffrey, j'ai trouvé que c'était pas mal, frérot. Bon, par contre, après, on t'a donné 2 minutes, t'as fait qu'une minute 30. Donc, si l'année prochaine, t'es à notre place, bah, il faudra. Il faudra améliorer un petit peu le comblage. Parce que tu sais, dans cette radio, on a pas mal de problèmes techniques, donc il faut savoir combler quand il le faut, notamment quand le standard tombe en panne ou quoi. Mais Geoffrey, je te sentais un petit peu stressé, un petit peu rapide dans ton débit de parole. Mais franchement, je trouvais ça bien, Geoffrey, au moins, t'étais hyper naturel. Souriant. Voilà, maintenant entouré avec une équipe, eh bien les 30 secondes seront comblées. Oui, c'est pas faux, mais il faut que tu aies le budget aussi. Enfin bon, ça c'est une autre histoire, on t'expliquera comment ça se passe dans la maison plus tard, mon Geoffrey, au moment de la signature du contrat. Geoffrey, franchement c'était bien, je te sentais un petit peu stressé, très très souriant, donc Geoffrey, c'est un excellent 3. Ah non. non, je te mets 8, Geoffrey. C'est vraiment la coupe de l'émission en fait. Je te mets 8 aussi, ouais. Très gentil. Il ne vous vaut pas, les gars. Vive Mike et l'Open Space, c'est Rachel qui nous dit ça. Bah oui, après, en même temps, Geoffrey il débute, c'est normal, mais il va se faire la main. Geoffrey il va bouffer du micro, comme on dit. De toute façon, personne n'arrivera à votre hauteur. Arrête tes conneries, Geoffrey, on a chié. 7 sur 10, on nous dit sur les SMS. 6 ouais. sur 10, 5,5, 6,5, on nous dit 5,5, 4 pour Thibaut qui nous envoie un SMS au 30,44. 2,5, oh c'est méchant ça. Ah non, ça vaut plus que 2,5 quand même. Hein. Bah, j'ai quand même fait la moyenne là vite fait parce que voilà, il y a encore des SMS qui arrivent. Donc la moyenne des auditeurs est d'environ 6, ça faisait 5,87 et des machins. Plus notre moyenne, ça lui fait un très beau 6,7 sur 10. Ah, la meilleure note pour l'instant depuis le début de ce jeu, Geoffrey, depuis le début de la nouvelle star de l'Open Space. Tu te classes premier devant Issam de Liège et devant Laurence. Ouais. Qui avait eu 4,5. Ah super. C'est pas mal Geoffrey. On se donne rendez-vous fin du mois Geoffrey, si t'es toujours numéro 1, et bah tu repars avec avec la montre connectée et peut-être un CDD. Un CDD. Oui. Bah, d'accord. OK. Bah, écoute, il y a pas de souci, bah super. Passez une bonne soirée les gars. À toi aussi Geoffrey. Et bravo mon pote, hein, à bientôt hein. Lâche pas l'affaire, OK. Merci, à bientôt. Salut frérot. T'inquiète. A bientôt Geoffrey pour être la nouvelle star de l'Open Space lundi. Vous inscrivez par SMS au 3044. On dit Mike, est-ce que vous savez passer le son de Christophe Maé? Il est où le bonheur? Ah non. Eh bien. Ah non. Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est où le respect? Il est où? J'adore ce son. Il est là. Jonathan. Il est là le bonheur. Je commence à préférer de plus en plus Slimane. Voilà pour merde le con, il a du Slimane. Ah ouais, T'as dit Slimane dans l'émission, je suis donc obligé de passer un petit peu de Slimane. Mais juste pour mon nouveau chouchou derrière Kenji. Paname, on arrive. Moi, ma gueule et mon sac à dos. D'ailleurs, Mike, oui. Grosse surprise pour toi tout à l'heure, un tac à suivre. Et il y a du Slimane. Eh, il y a le nouveau Slimane apparemment qui est sorti. Zezel m'a dit ça, je l'ai même pas encore entendu. Dites-nous si vous l'avez écouté là, on va essayer de vous le foutre sur la page Facebook de l'émission. Allez, cliquez sur like d'ailleurs si c'est pas encore fait. Hein. Le Facebook c'est Mike Open Space. Vous tous et vous tout en direct, chaque soirée ici on fout le bordel sur Fun. Kevin, ce sera le prochain. Salut Kev. Hello Kevin. Ça va Kevin, 22 ans Bruxelles. Ouais. Ensemble nous allons faire tourner la roue des jeux. Kevin, on va t'offrir du cadeau Fun Radio si t'es chaud. T'as dit quoi? J'ai pas entendu. T'es chaud pour gagner du cadeau? Ouais, je suis très chaud. Ouais, bouge pas, je t'explique tout après, Justin Timberlake. This feeling inside my bones. It goes electric wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off.

stay show, yo, you're in the high row. But it goes like, he's not my guy, he's a friend. Better pick me up in the Benz. I like cruising around the West End. No Netflix and chill, that's dead. But it goes like, every day you ride with your friends. But it goes like, I don't need your money for my friend. But it goes like, 8.9, I'm a 10. But it goes like, call to your Wi-Fi again. Il est là pour retourner la Belgique. Mike Open Space sur Fun Radio. Avec vous jusqu'à 2h du matin, il est minuit 51. Merci les amis de nous avoir choisi vos SMS. Ils arrivent direct au 3044 dans quelques instants. L'hymne officiel de l'Euro 2016, c'est David Guetta qui arrive. Avec Zara Larsson, This is one for you. Allez les diables, ça commence dans 7 jours l'Euro 2016. La semaine prochaine sera le match d'ouverture. Ouais. Allez les diables rouges. Et hier on a fait les prédictions de l'Euro avec Alex dès notre voyant. Je les ai bien notées en tout cas. Il nous a dit que la Belgique pourrait arriver jusqu'au quart de finale, voire demi-finale. Ah, il est pas sûr du demi-finale parce qu'il a dit demi-finale, il a prédit France-Allemagne et Espagne Espagne-Angleterre. Ah, voilà. On va voir si s'il dit vrai, en tout cas pour les amateurs de l'autofoot. C'est à suivre l'Euro 2016. On va d'ailleurs pronostiquer les premiers matchs de l'Euro, là, enfin les matchs préparatoires. Tout à l'heure, ce sera le l'autofoot sur Fun Radio. Ouais. Et d'ailleurs, j'accueille Maître Kevin. Bonsoir, Maître. Bonsoir, les amis. Comment ça va, mon loup ? Eh, ça va, les amis. Alors, je crois qu'il y a encore un problème de son, Maître Kevin. Attendez, ne bougez pas, je règle tout ça. Voilà. Attendez, parlez. Oui. Ah oui, ah, on est bien mieux tout de suite, Maître Kevin. Ah, là, on est confortable. On va jouer avec qui tout à l'heure ? On va jouer. On va jouer avec Richard. Richard Charles. Bridebois. Richard Bridebois. Richard, ouais, Richard Bridebois. Richard Bridebois qui arrive très bien. Donc, qui va vous chanter des sons, c'est ça ? Oui, c'est ça. C'est un chanteur célèbre au Québec. Au Québec, tout à fait. Et à vous de trouver ou le titre ou l'artiste pour repartir avec du cadeau. Fun Radio, il y aura la blague du jeudi soir aussi, puisque Jean-Marie Bigard va nous rejoindre. C'est prévu. Et Kevin, qui est là, 22 ans, à Bruxelles. Remont Kevin. Re-Kev. Ouais, salut les gars, comment ? Yeah, yeah, Kevin, ça va ou quoi ? Ça va, on est là, on est. Ouais, on relax. Ok. Tu fais quoi de ta soirée, Kevin ? Ma soirée ? Ouais. Ah, je viens de regarder Kill Bill. Ah, ok, bon, tranquille. Ok, tranquille, t'as la radio. Bon, bon, oui, tout nouveau film. Kevin, on va faire tourner la roue des jeux, on voit sur quoi ça s'arrête, ok ? Ok, ça va. Ok, mon Kevin, dans la roue des jeux, il y a du mon cul, il y a de l'inversophone, il y a du chantotel, il y a du blind test pour un précoce, il y a plein de choses. Il y a du complet 10, plus grosse, plus petite, coucou c'est moi, il y a plein de trucs. Attention, tu dis stop quand tu veux. Stop. Stop. Et la roue des jeux qui s'arrête tranquillement sur... Ah, ça fait longtemps. 10 secondes pour un champignon que nous allons faire tout de suite dans l'open space. Et tiens, bon anniversaire aussi à Jean-Claude qui est venu nous voir, qui nous a ramené plein de trucs là, le champagne, tout bon ça. Anniversaire. Merci, bon anniversaire Jean-Claude. Bon anniversaire. Il est super sympa en il tout cas. Timide, il est timide, il veut pas parler. Jean-Claude, il nous a ramené du champagne de ouf et tout. Il est grave sympa. Voilà. Alors Kevin, 10 secondes pour un champignon, c'est très très simple. Je te pose des questions, tu as 10 secondes pour me proposer des réponses et pour avoir la bonne réponse, d'accord ? Pile le temps de la Macarena en fait. Alors, on va pas faire celle-là, elle est trop dure. Distance, non. Le nombre qu'il y a eu, 10 secondes pour me trouver le nombre de saisons de la nouvelle star au total. Le nombre de saisons de la nouvelle star. Oui. Plus. 9. Plus. 12. 12. Non, c'était 12. Trop tard. On va faire avec Jonathan. Oui. Jonathan, la distance entre deux verges situées dans le Cantal En passant par l'anus, situé dans l'Yonne, en passant par le Fion, en Haute-Savoie. Mais qu'est-ce que tu veux que j'en sache, moi? De Verge, anus, en passant par le Fion. Je sais pas, je dirais 800 km. C'est plus. 812. Plus. 830. Plus. 880. Plus, beaucoup plus. 700. Ah mais non, mais 900, j'en sais, je sais pas. 934 km au total. 501 km en partant de Deverges pour aller dans le Fion et ensuite 433 km pour aller vers l'anus. Sachez-le. Mon Dieu. Maître Kevin. Oui les amis. Ouais. 10 secondes. Non, Maître Kevin, c'est pas toi. Toi t'es qui? Moi c'est juste Kevin. Ah, moi c'est Kevin tout court, frérot. Maître Kevin, 10 secondes pour me trouver la durée. La durée d'espérance de vie d'un lapin nain qui a un strabisme. Le temps d'une saison dans l'open space? Non, même pas. C'est plus. C'est plus? Ouais. Non, sans déconner. 4 ans. Non, c'est plus. Un lapin nain qui a un strabisme vit entre 8 et 10 ans. Voilà. Ah ouais? Putain, mais c'est bien. Quand même, oui. Sauf que Dalida, il a eu la bonne idée de se suicider. Ah oh, non, pardon. Hashtag chien de la casse de ouf. Je rigole. Kevin? Ouais. Kevin, 10 secondes pour me trouver la taille de la pizza la plus grande du monde. 1 kilomètre. En mètre. Plus. 1 mètre, 200 mètres. Plus. 1858 mètres, 88. Eh oui, le record. Et tout récent d'ailleurs, il a nécessité, écoutez bien, 1600 kg de tomates, 200 litres d'huile d'olive. Voilà. Bon, à l'heure actuelle, il doit. Il a fallu combien de maïté pour la faire? Qu'est-ce que tu m'as dit, Kev? Mais je l'avais dit, non, 1858 là. Bah, t'as pas dit 1858. T'as dit 1 kilomètre. T'as dit 1 kilomètre. Coralie, tu vas faire. Allez, vas-y. Coralie va faire le dernier. Coralie, 10 secondes pour me réciter tout l'alphabet à l'envers. Oh putain, Z. Y. Je sais pas. X. C'est impossible, déjà même à l'endroit. Bah oh, je le connais pas à l'envers, les gars. Qui est capable de réciter l'alphabet à l'envers, Jonathan? Ouais, sans trop mouiller. Donc c'est Z, Y, V. Non, merde, putain, il y a le W. Maître Kevin. Oh mon gars. Essayez. Vas-y. C'est un test de bourré aux États-Unis, ça. Essaye, frérot. Z, W. Mais tu crois que j'ai la soirée ou quoi? C'est Z, Y, W, V, S. Non, non, t'as oublié le X déjà avant le W. Oh, putain. Bon, voilà, on apprend des trucs dans cette émission. Bon, Kevin, je sais pas combien t'as eu de bonnes réponses, mais c'est gagné, je t'envoie du cadeau. Cadeau qui arrive pour toi, mon Kevin, ok? Bravo, Kev. Pas comme cadeau. Et dis-moi, je préfère un petit big up si ça te dérange pas. Fais ton big up et pour le cadeau, tu vas gérer avec Coralie. Vas-y, je t'en prie. Ça va, merci. Bon, pour la big up, en fait, c'est pour le 11 juin, la finest à Lycon Antwerp, une soirée qu'un de mes frangins fait. Donc, je vous invite tous y aller. Pour les billets, c'est à Lycon Antwerp, il y aura DJ MK qui sera là. Donc, wow. Je vous invite tous à venir le 11. Ouais. Et à vous tous, et bonne soirée encore. Et on a invité nous, quoi. Mais ouais, bien sûr. Avec direct, plaisir, Kevin. Vous pouvez venir pour voir des guests ou pas que ce soit. Ah putain, plaisir. C'est cool. Bah, on te reprend en antenne, ok frérot? Dès qu'il y a un événement, on peut y aller gratos. De toute façon, on y va nous. Hein. Surtout que c'est dès que c'est open bar en fait. Ah, c'est open bar? Ah, mais je sais pas, mais j'espère. C'est la finesse, hein. Ouais, non, mais d'accord. Mais tu nous gères une ou deux bouteilles si on vient. On fait ta promo et tout, on vient, mais avec une ou deux bouteilles. Horde hein. De crevard. Ah ouais, bah vas-y, on va venir tout le monde. Alors, avec plaisir, Kevin. Je te reprends en antenne, ok frérot? Puis les infos à Coralie, on se ramène le 11 juin. Bonne soirée mon Kevin, 02851 4x0 pour faire comme lui, pour venir jouer avec nous. Par SMS, vous pouvez vous inscrire aussi au 6322. Vous débutez le message par M-I-K-E. Le sens tout de suite, c'est l'hymne de l'Euro 2016. Avant de jouer avec Maître Kevin, avant de faire le qui peut battre Mike, également, je vais voir si je peux conserver mon invincibilité de 4 victoires d'affilée. We're just for you. Bonne nuit sur Fun. Are you ready? Une galère? Appelez l'Open Space. Go! 02 851 4x0. Mais soyez bon. L'émission la plus incontrôlable de toute la Belgique dans vos oreilles jusqu'à 2h du matin et 1h passée de 2 minutes. Merci de nous avoir choisis, les amis. Radicalement différents de tout ce qui se passe ailleurs à la même heure sur la bande FM. Avec dans quelques instants Maître Kevin et Gilbert Bridebois qui va vous offrir du cadeau. C'est ça, c'est Gilbert Bridebois. C'est Richard. Mais, ah, Richard Bridebois, je confonds avec. Parce qu'il y a un animateur radio français super connu qui s'appelle Gilbert Bridebois. Ouais, il a fait les voices là pour Énergie, je crois. Ah non, pas du tout. Voice. Non, parce qu'il y a Richard Darbois. Voilà, c'est lui. Gilbert Bridebois, il commande des matchs de foot. Ah, c'est sur radio qui parle. Sur Radio Monte Carlo. Radio Monte Carlo. Et allez-y, Maître Kevin, imitation de Gilbert Bridebois pour ceux qui connaissent pas en Belgique. Hein, nous on l'a pas. Oh, attendez. Alors, attendez. Pas tous en même temps, les gars. Oh, ça suffit. C'est moi le patron un petit peu. Ouais, franchement, c'est que tu me racontes, c'est n'importe quoi. Et but au Roudourou, but au stade du Roudourou. Alors, on retrouve notre envoyé spécial, évidemment, Vincent Leclerc. Oui, but au Roudourou, but de Johan Jouffre sur un superbe passe de Daniel Leguélan. On part au stade de la Mosson à Montpellier, nouveau but, évidemment. Ça va bien, vous deux. Hein. Oh, le but de Issam Djebbour à Montpellier, Roland Courbis est sur le banc, il est en sueur. Et ça bouge à Gerland, ça bouge à Gerland. Ah, et le but! Oh, le but d'Alexandre Lacazette! Oh, c'est magnifique! On peut faire ça une demi-heure avec Maître Kevin, sans déconner. On a fait une émission un jour avec Maître Kevin, et ouais. C'était ça pendant 2 heures. Donc, la lourdeur. Ah oui, la lourdeur des gars. Ah, et le exact. But au stade de la route de l'Orient, Maître Kevin! Oh, et le but de Ousmane Dembélé! Il y a des galettes saucisses qui volent partout! C'est magnifique! Oui, le crépaticcio au stade de la route de l'Orient. Vous connaissez le crépaticcio? Ah non, je connais le crépaticcio. Classico évidemment entre Anderlecht et Charleroi, ouais. Entre le PSG et Marseille, bah, le crépaticcio, Maître Kevin, c'est entre Lorient et Guingamp, c'est ça? Bien sûr, évidemment. Le duel de la crêpe. Il y a Chris Cap qui arrive sur Fun. Avec Youssoufa. L'enchaînement. Putain. On parlera de foot aussi hein, tout à l'heure. On va faire le foot avec les matchs préparatoires de l'Euro 2016. Hein. Ouais, c'est prévu, ouais. Ouais, très voulez... maigre, l'autofoot. Ah, c'est Maître Kevin qui l'a préparé cette semaine, ouais. Donc il dit qu'il n'y a pas grand chose. Ah oui, il n'y a que 2 matchs. D'accord, c'est quoi les 2 matchs? Alors il y a Allemagne-Hongrie, un derby, et France-Écosse. Oh, ça va aller vite au niveau du loto-foot cette semaine. Ouais, bon, ça va aller très à partir vite. De la semaine prochaine, de toute façon, on aura les matchs de l'Euro à pronostiquer, donc on fera des loto-foot tous les 2 jours. À partir ouais, de la semaine prochaine, 1h05 du matin, on accueille Eric qui est avec nous. Salut Eric. Bonsoir Eric. Salut Ricou. Tu fais quoi ta soirée, frérot? Non, pour l'instant, je vais me préparer à aller à la douche, mais sinon, ça va. À la douche, tranquillement. Ok, parfait. Bon, t'écoutes l'Open Space, ça va, l'émission te plaît? Bon, ça va, j'aime bien. Ok, c'est cool, Eric. On va jouer au qui peut battre Mike, puisque oui. Vous le savez, chaque soir, enfin chaque jeudi soir avant, j'ai essayé de battre Jonathan. C'est ça. Au grand match de l'Open Space. Et au bout de 6 victoires d'affilée, de 7 victoires d'affilée même, je me suis dit c'est trop facile. Il faut que ce soit les auditeurs qui m'affrontent. Et j'ai 3 victoires d'affilée pour le moment. Peut-être 4 à 4. À donc peut-être 5 ce soir, Eric, si je te bats au qui peut me battre. Eric, si tu réussis à me battre, eh bien tu repars avec une montre connectée. Ok, frérot? Non, pas de problème. Bon, 5 questions chacun. Et nous allons tirer au sort tout de suite. Excuse-moi, je suis un petit peu perdu. On tire au sort? Bah, c'est Zezel qui tire au sort, donc vas-y. Allez, Zezel, tire au sort. C'est parti. Il te faut combien de temps pour tirer au sort, frérot? Bah écoute, ma main, elle était occupée pour le moment. C'est parti. Alors, Eric ou moi? Je dirais... Non, mais tu dirais pas, tire au sort et dis-moi ce qu'il y a marqué sur le papier. Il con, celui-là. Mike. Ok, bon, je commence alors, Eric. Et Eric, t'as le droit à un joker, hein, n'oublie pas, tu peux faire appel à n'importe quelle personne dans l'équipe pour jouer. Qui me pose mes questions, Coralie ou Jonathan? C'est moi qui te pose les questions, Mike. Je préfère. Est-ce que tu veux qu'on donne les bonnes réponses maintenant ou après, Eric? Maintenant, on peut les donner maintenant. On peut les donner. Alors, première question pour toi. À quel élément se rapporte la loi de Godwin? Au christianisme, au lettrisme, au nazisme, ou j'aime pas les arabes mais je suis pas racisme? C'est quoi la deuxième? La deuxième, c'est le lettrisme. Ouais. C'est une mauvaise réponse, c'était au nazisme. Ouais. Ça commence très mal. Mais oui, le point Godwin. Moi, je connaissais pas. C'est un point sur internet, quand t'écris trop de conneries, on commence à te surveiller. Ah, c'est vraiment que c'est pas une vanne, hein? Ah d'accord. Moi je pensais que c'était le gars qui jouait dans Le Seigneur des Anneaux, moi, Godwin. Non, ça intéresserait juste. Quel est le diamètre d'un CD? 11 cm, 12 cm, 13 cm ou les centimètres de la teub à Rocco Siffredi? Bah, je sais que c'est ton cul au carré déjà. Donc 11, 12, 13. 12? C'est une bonne réponse, Mike. Sartek. Ça fait un point. Comment s'appelle le petit du zèbre? Le zébreux, le zébrio, le zébro ou le zèbre Gims? L'hébreu. Non. Le zèbre Gims. Maître Kevin, il sait ou pas? Le petit du zèbre? Non. Donc je répète, le zébreux, le zébrio, le zébro. Le zébro. C'est une bonne réponse, Mike. Deux bonnes réponses. En quelle année a été prise la première photographie? En 1816, en 1826, en 1836 ou au 11e siècle avant Instagram? Sur la première photo, il y avait Michel Drucker. Le gars était là. 1826. C'est une mauvaise réponse, c'était en 1836. Attention, dernière question pour toi. Quel gaz est libéré lors de l'ouverture d'une bouteille de Coca-Cola? Du dioxygène, du dioxyde d'oxygène, du dioxyde de carbone ou du dio banana split? J'adore. Ça, c'est bon. Ah d'accord, je viens de comprendre dio, lio. Non mais en fait, j'explique. Je fais des vannes depuis tout à l'heure. Ah oui. C'est pas grave, je les ai écrits deux minutes avant, donc t'inquiète. Donc je répète. Ah bah celle sur lio est pas mal. Du dioxygène, du dioxyde d'oxygène ou du dioxyde de carbone. Dioxyde de carbone. Tu es sûr? Oui. It is your last answer? C'est mon ultime bafouille. C'est ton ultime bafouille? C'est une bonne réponse, ça fait 3 points pour moi. Toi, je trouve que c'est triché. Pourquoi? Il a appuyé sur le dioxyde de carbone. Non, mais non, parce qu'il y avait aussi le dioxyde d'oxygène. C'est vraiment pas le genre à m'avantager en plus, cette personne-là. Et je peux te dire. Ah, oui, ça c'est sûr. Et qu'elle pourra m'enfoncer la tête sous l'eau, celle-ci. Alors, Eric, donc tu dois battre le score de 3 sur 5, mon Eric. N'oublie pas que tu as le droit à un joker. J'ai pas utilisé mon joker, mais toi, tu as le droit. Ok. Ok, alors Eric, la première question est: quelle est la plus grande tortue marine connue à ce jour? La tortue ninja. La tortue franche, la tortue lutte, la tortue hargneuse ou la tortue ninja? Il avait la même vanne. Bah ouais. La tortue lutte. Je donne les réponses maintenant ou je les donne après? Ah non, maintenant. C'est une bonne réponse. Pas mal. En quoi un nihiliste croit-il? En la chance, en rien, en tout ou en lui-même? Ou dans la literie Jeannot. En lui-même. C'est une mauvaise réponse, il ne croit en rien. Ah. Quel oiseau palmipède a pour particularité de construire un nid flottant? Toi, t'as Parkinson par contre. J'ai combien moi? J'ai 3 ou j'ai 2? T'as 3 points, Mike. La grêle, la grève, la grèbe ou la graine? Ou la graisse aussi. La graine? C'est une mauvaise réponse, c'était la grèbe. Attention, hein, si tu le gourres sur celle-ci. Attention, attention, puisqu'il ne reste que 2 questions, tu as 1 point et moi j'ai 3. Il faut au moins que tu aies également score pour repartir avec la montre connectée. La prochaine réponse est donc décisive. Ça, c'est une question. N'hésite pas à faire appel à ton joker. C'est une question pour toi. Le vin rouge peuvent, les vins rouges peuvent se clasher en 3 catégories en fonction de leur consistance. Quelles sont-elles? Se clasher? Et pourquoi c'est une question pour moi, le vin rouge? Tu m'as pris pour un pochetron, quoi. Non, parce que je sais que t'aimes bien le vin rouge. Ah, j'adore le vin rouge, ouais. Voilà, pourquoi? C'est juste pour ça. Un petit Bordeaux 2011. Quoi, c'est un animal, le vin rouge? Ah, le vin rouge. Putain, cassouche de alors, mais j'ai pas compris. Moelleux, demi-sec, sec, plein, moyen, léger, grand cru, cru, village, ou framboise, pourpre et grenat? Le joker. Le joker. Tu veux faire appel à qui? Jonathan, Maître Kevin ou Mike? Non, Mike, tu peux pas. Jonathan ou Maître Kevin? Maître Kevin. Ok, oh, Maître Kevin. Tu veux que je répète? S'il te plaît. Ok, donc il y a moelleux, demi-sec, sec, plein, moyen, léger, grand cru, cru, village, ou framboise, pourpre et grenat. Grand cru. C'est une mauvaise réponse, c'était plein, moyen et léger. Ah, mais c'est perdu. Hein. Allez-y, faites les dernières questions. Allez, pour la le dernière kiff, quand question. Même. En français, sur quelle lettre ne peut-on pas mettre de tréma? Le E, le I, le O ou le U? Le U. Le U. C'est une mauvaise réponse aussi. C'était le I. O. Non, c'est le O. Mais le O, on peut mettre un tréma? Non, on peut pas mettre de tréma, on peut mettre un accent circonflexe. Ah oui, un accent circonflexe, c'est ça. Ouais, je suis pas con. Ok, et donc je. Même pas la marque Uncut. Je garde mon invincibilité. Pour la 5e fois. 5e victoire d'affilée. Bravo, Mike. Bravo, Eric, surtout. Merci d'avoir essayé, Eric. Oh, c'est la chance qui compte, ça change des débutants, bien sûr. Ouais, oh, c'est ça. Oui, la chance des débutants, quand même, 5 fois d'affilée. Hein. Bah, ça fait 5 fois, si j'ajoute à ça mes 7 victoires à Jonathan, ça fait 12 victoires d'affilée, frérot. Hein. Bon, Eric, mon pote, il a raccroché, ah, Eric. Ah, il est dégoûté. Ça a coupé, Eric. Dégoûté. Alors, on va le rappeler en antenne, on va lui gérer un pack fun, ok, Coralie. Ça va, pas de soucis. Un petit lot de consolation pour Eric. Et si vous pensez être en mesure de me battre, eh bien, je vous invite à vous inscrire. On refera le qui peut battre Mike lundi dans l'émission. Vous inscrivez au 30-44. Maître Kevin! Oui. Ce sera à vous dans quelques instants. Dans quelques instants, on va également faire un petit défoul room. Qui nous a appelé pour refaire le défoul room? C'est Mélissa qui nous a appelé à Namur. On va la récupérer dans quelques instants. Yep. Vous tous et vous tout en direct au 02 851 4x0. On fera un tac à suivre aussi ce soir dans l'émission. C'est prévu. On n'a pas fait le tac à suivre là. Ouais. On balance le son. On doit chanter. À un moment donné, je baisse le son. Quand je remonte la musique, on doit toujours être tempo, toujours être synchro. C'est le principe du tac à suivre. On fait ça après Chris Cab, Youssoupha sur Fun. I woke up in a stranger's home. After 6 shots of De Leon, you know that girl really turned me on. We were on the floor and so much more. Kept moving that away. And we left the club and fell in love. And then I heard her say, let's go back to mine for a smoke and wine. If you want to, you can stay. Faire fort, finir friqué, entouré de briques et l'amour est fabriqué. Je glisse en bling bling grâce au public et c'est briqué. J'ai gardé la vista, ma vie est un fist. Équilibre entre l'enfer et le paradis fisc. J'ai pris trop de risques, courir pour le Christ. Pas de message codé, je finis aux côtés de Christ. We were on the floor and so much more. Kept moving that way. Pendant que la police quête mon star, ghetto star, nécropolitain avec un bête de star. Let's go back to mine for a smoke and wine. Sur Fun Radio, j'espère que vous allez bien les amis, que vous passez une bonne soirée, qui que vous soyez, quelle que soit votre couleur de peau, votre religion, chrétien, juif, musulman, athée, toutes les origines, toutes les classes sociales, toutes les orientations sexuelles, ramenez-vous. Open Space. Are you ready? Une galère, appelez l'Open Space. Go 02 851 4x0. Mais soyez bon. Ouais, sans distinction aucune, on est là jusqu'à 2h du matin sur Fun Radio. Qui que vous soyez, quoi que vous fassiez, vous nous appelez. Le numéro, Coralie va vous le rappeler. Le 02 851 4x0. On est aussi connecté sur les réseaux sociaux de l'émission, Coco. Tu es branché sur le Facebook Mike Open Space. Oui, et on a un message de Julien qui nous dit: c'est la première fois que je vous écoute ce soir, j'ai 14 ans et je ne peux pas couper la radio même si j'ai cours demain. Ah bon. Bah bisous à lui, bisous à Julien, bisous à tout. tous les nouveaux, toutes les nouvelles auditrices. Il a pas tort, Julien. Ne coupe pas la radio, mais change de prénom, par contre. Ça porte préjudice dans la vie. Ça porte préjudice dans la vie, Mike. Je me sens capable de battre Mike pour un jeu ou un autre. C'est Deb qui nous dit ça. Mike, est-ce que c'est possible de jouer contre toi en 30-44? Carrément, les amis, on va vous rappeler. Coco? Oui. T'es endormi ou quoi, les réseaux sociaux? Ah, mais je sais pas, tu es parti sur autre chose. Sinon, on a un message de Dylan qui nous dit: plein de bisous à toute l'équipe, je vous kiffe de fou. Bah, gros bisous, Dylan, continue à nous rejoindre, à venir nous parler sur la page Facebook de l'émission. Ouais. Mike Open Space, on est dispo aussi sur Snapchat, c'est Mike Open Space pour découvrir tous les coulisses. Et puis le Twitter, Mike Fun Radio, c'est mon compte Twitter, je vous follow back dans la foulée. Et le compte Twitter de Jonathan aussi, hein, Joe F Radio et puis Coralie Flawin pour aller suivre Coco. Bob Sinclair, c'est ce qu'on écoute. Maître Kevin, c'est quoi votre Twitter? C'est Kevin Sakila, tout simplement. D'accord. Ah, mais il publie rien, lui, Maître Kevin. Hein. Il tweete pas trop. Pas très actif sur Twitter. Tu tweetes pas trop, mon loup. Non. T'as pas pu voir que David Barbet allait devenir le nouveau Chamerois? Ah non. Ah oui, mon loup. Renseigne-toi. Ah, il l'a annoncé sur Twitter, c'est le Zapper Fou qui l'a dit, loup. David Barbet. Ah non, mais renseigne-toi de 2000. Hein. Ouais, renseigne-toi et donne-nous des infos lundi dans l'émission, d'accord? Oh, me sortez. Elle parle de David Barbet. Non, mais parce qu'on le retrouve chez Vince, mais moi j'essaie de le cuisiner, tout ça. Peut-être, mais il veut rien me dire. Attends, j'ai peut-être une info pour toi. Tout à l'heure, il y a un tweetos qui est aussi vachement, voilà, il est vachement connecté sur les réseaux et tout ça. Il avait, je crois, 20 000 abonnés, tout ça. Il a dit à Kevin Barbet, donc il a tweeté Kevin Barbet en disant bienvenue dans l'équipe. Qui Kevin Barbet? David Barbet, pardon. Et il a dit bienvenue dans l'équipe de TPMP, David Barbet. Et David a retweeté. D'accord. Ouais, voilà. Vas-y, Kevin, s'il te plaît, renseigne-toi. Ah ouais, bravo. Hein. Ça devient sérieux. Vas-y, maître. Bon, si ça intéresse quelqu'un, Bertrand Charmeroy, la rentrée sera sur W9. Ouais, mais ça, on a l'info depuis 20 plombes. Oui, c'est ça. Kevin. On lit des journaux aussi. Hein. Bah, on a Jean-Marc Morandini aussi dans le téléphone, quoi. Enfin bon. Bon. Ah, bien. N'hésite pas à nous dire que Claire Chazal s'est fait virer aussi, hein, maître Kevin. Attends, y a pas de soucis. Et tu sais quoi? Il y a Prince qui est mort, frère. Ah ouais. Et comment il va, Patrick Sabatier? Il est toujours sur mot de passe. Ah oui, non, c'est pas... Mais oui. ça va finir. Hein? Par contre, attends, tu sais pas, info de dingue, Julien Lepers ne fait plus Question pour un Champion. Ah il non, il fait toutes les émissions du PAF, mais il est plus sur Question pour un Champion. Ah non. Je te jure. 28 ans. Sale histoire. 28 ans de bon et loyaux service, j'ai pas pu dire au revoir à mes équipes. Mélissa est avec nous, 31 ans. Salut Mélissa. Hello Mel. Salut. Ça va bien Mélissa? Ça va et vous? Ben oui, Mélissa avec sa petite voix toute charmante, Mélissa. Merci. Tu m'appelles de quel endroit, Mélissa? Namur. Ah, Namur, très bien. Et tu veux faire un défoule room, Mélissa, ça concerne quoi? Dis-moi tout. Mon mec. Qu'est-ce qui se passe avec le copain? Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Ça fait 6 mois plus ou moins. Ok, une petite histoire qui débute. Et qu'est-ce qui se passe avec lui? C'est un vrai péteur ambulant. Quoi? C'est un péteur? Un péteur ambulant, il arrête pas de péter partout où il va. Mais c'est pas marrant. Et quoi, t'en peux plus? Mais non, ça pue à mort. Mais il fait ça partout tout le temps, genre dans le lit, aucun complexe, le gars, quoi. Il y a pas qu'à la maison, il y a dehors, au magasin, chez ses parents, chez mes parents. Ça va, il se lâche, quoi. Ah putain, mais chez tes parents en plus? Mais c'est chaud. Et à table et tout? Non, quand même pas. Ah oui, d'accord, il a quand même un minimum de savoir-vivre. Voilà, mais bon, ils viennent pas. Hey chérie, tu viens, on va se coucher. Alors, n'est pas mal. C'est dégueulasse. À table. Alors. Ça doit être sympa quand même, la vie. Et tu vis avec non, lui et c'est tout pas sympa. Bah ouais. Tu vis avec ça lui fait pas, ça fait pas longtemps, mais oui. D'accord, ok, Coco. T'as déjà vécu avec un mec comme ça qui savait pas se retenir? Non, j'avais de la chance parce que toi, tu pètes quasi jamais en fait. Je crois que la seule fois que je t'ai entendu péter, c'est quand tu dormais. Non mais je te jure que c'est... Oh mais c'est alors, quoi ça? Est-ce qu'on va pas, on va pas trop loin dans la cité, si. La Coralie la peine, hein. Non mais sans déconner Coco, putain. Mais c'est super bien, tu pètes jamais franchement. Ouais mais génial, et, merci. Mais moi je trouve ça vraiment bien. Non mais moi je crois que je suis un peu comme Mike, un peu une petite princesse et tout, je rote et je pète jamais. Mais sans déconner, je pète et je rote jamais. Sauf aux chiottes où je me lâche, mais pour toute la journée tu vois, mais c'est le seul endroit quoi tu vois. C'est plus intime. Non, aux chiottes je fais pas ça. Aux chiottes je fais... Et j'en ai plein qui coulent de partout. Oh. On va te rediriger tout de suite vers une boîte de bruitage. Tu vas quitter Fun Radio très rapidement, Jonathan. Ça va. Maître Kevin. Oui, les amis. Comment ça se passe avec ta meuf, tout ça? Bah, ça se passe bien, moi je suis un gars propre. Hein. Mais t'es peut-être déjà tombé sur une meuf qui ne savait pas se contenir. Et ça, c'est encore pire. Je pense qu'une meuf. Ah, une meuf, ça casse tout. Par rapport à un mec, enfin bon, on dit peut-être ça parce que voilà, on sort avec des filles. Mais Coco, enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais une meuf, c'est pire qu'un mec, non? Non, je sais pas. Parce que moi, vous avez l'image de princesse, etc. Moi, j'ai des potes, franchement, c'est atroce, quoi. C'est, elles se lâchent, elles en ont rien à foutre. Ouais, mais elles sont lesbiennes, c'est différent. Non. Elles sont lesbiennes, n'importe quoi. Et franchement, elles en ont rien à faire. Enfin, moi, quand je suis avec elles. Elle se lâche à fond, mais enfin, moi, c'est pas trop mon style en fait. Bah, déjà, je sais pas roter. Puisqu'on parle de paix, et ben continuons de parler culture, allez, de parler poésie. Et j'ai trouvé des petites infos balayeuxques sur les paix, sur les flatulences. Est-ce que allez, vous les voulez? Oui. Ah, bah grave. Alors sachez-le, hommes et femmes confondus, on fait en moyenne 14 flatulences par jour. Donc les deux. Ouais, là. C'est ça. Les deux. Ah, ouais. Les filles, vous retenez, vous. De toute façon, d'ailleurs, je suis sûr que vous avez tellement honte de faire un pas en public, les filles. Dans vos toilettes, il y a une cabine spéciale sans cuvette juste pour l'épée. Je suis sûr. J'ai jamais été dans la toilette à la turque, c'est ça. Ah, ça, c'est sûr. Alors, il faut éviter les oignons, les viandes rouges, les choux-fleurs, les œufs et les champignons. Car c'est connu pour donner de très mauvaises odeurs. Ouais, surtout les œufs. Ah ouais? Ah ouais, les œufs, c'est rectal, là, direct. D'accord. Ou alors, peut-être que c'est les gens, tu sais, qui n'ont pas assez d'argent pour s'acheter des bombes lacrymo qui bouffent ça. Ça sert quand même. C'est bon flash. Les mariages qui débouchent le plus sur un divorce sont ceux dans lesquels les deux partenaires pètent le plus. Hein, et c'est des vraies infos. Je vous jure que je les ai pas inventées, ce sont des vraies études qui ont été faites. Mais les mecs de l'INSEE qui ont fait ça, ils ont posé quoi comme question? Bah j'en sais rien. Divorcé. Est-ce que vous avez divorcé en pétant trop, s'il vous plaît? Répondez par oui ou par non. Non mais genre, chez l'avocat, je veux divorcer. Oui, ça fait en cadeau, t'as encore une histoire de prout. En Amazonie, la légende dit que les paix servent à éloigner les mauvais esprits. N'importe quoi. Voilà. Ah bah l'argument ultime pour faire l'émission en terre inconnue, les gars, rendez-vous en terre inconnue avec Rodrigo Lopez. Socrate, vous connaissez Socrate? Oui, bien sûr. Le philosophe. Le rappeur. Oui. Le rappeur. Il a établi la théorie que le bruit des moustiques serait en fait le résultat d'un paix continu. Mais c'est pas faux. C'est vrai. Un moustique en fait pète continuellement, c'est pour ça qu'il fait le petit bzzz. Ouais, ça s'amplifie en fait. Voilà, ça, ce sont de vraies infos. Comme quoi, tu peux t'appeler Socrate, tu peux être un grand philosophe hyper respecté. Quand on te demande, tu veux faire des recherches sur quoi, tu dis bah le truc de caca là. Mais c'est vrai. L'empereur Claude. Ouais. On le salue, il nous écoute souvent. Il a autorisé ses convives. Il tient un bar libertin là à côté. Non, c'est un grand proxénète sur Paris. D'accord. Enfin bref, l'empereur Claude autorisa ses convives à se lâcher en public quand il a appris que l'un de ses invités est mort en se retenant à table. Ah bon? Ouais, du coup il a dit tout le monde peut y aller. Ah ouais. Mec, c'est dangereux de se retenir. Faut pas se retenir. Qui ne pète jamais est voué à l'explosion. C'est Rabelais. Rabelais. N'importe quoi. Eh ouais, gargantois, attention. Et j'ai une dernière information, sachez-le. Quelques heures après notre mort, on pète encore. Vous le saviez? Non mais si, on chie en fait aussi. Mais il n'y a pas que quelques heures après, ça, c'est plus longtemps en fait. Ah bon? Donc, bah ça c'est la classe. C'est-à-dire que la dernière trace qu'on laisse de nous sur Terre, c'est dans le slip. J'ai envie de dire gloire au paix les amis. Comme quoi Paul Walker jusqu'au bout. Hein. Mélissa, oui. Tu veux faire le défouloum contre ton mec qui pète trop? Ouais. On y va, 3, 2, 1, 30 secondes. 3, 2. Carte blanche, fais-moi rêver. Mon amour, faut que t'arrêtes de péter, ça pue trop, je suis gênée de toi. Attends, je suis gênée de toi, tu sais. Oh! Vas-y! Insulte-le, il t'écoute pas de toute façon. Et puis il te chie à la gueule. Tu sais pas trop si. Non, c'est à moi qui chie à la gueule. Et il te reste 15 secondes. Tu sais pas te retenir et t'as aucune gêne à faire ça en public, j'ai honte pour toi, s'il te plaît, arrête de péter, tu me dégoûtes. Mais sache que je t'aime quand même. Le petit t'aime quand même était trop mignon. Ah, grave. Mélissa? Oui. Je te fais des gros bisous, ma chérie. Moi aussi. Merci de nous avoir appelé, Mélissa. Bon courage avec ton mec là qui pète. Oh, ouais. Et quand il pète, il trouve son slip? Non, ça va, mais il fait des traces. D'accord. Ah, c'est dégueulasse. Merci à toi. C'est dégueulasse. Bonne soirée, Mélissa. Merci à vous. A bientôt. À plus, à bientôt. Je vais être lourd jusqu'à 2h du matin, les gars. Allez, on y va. 1h26 du matin sur Fun Radio. Dans quelques instants, qu'est-ce qu'on fait, Jonathan? On va se faire l'auto-foot. On va à peu près dire ce qu'il y a. Et puis il y a un putain. Bah, ça va aller vite, il n'y a que deux matchs. Hein. Ouais. Et ben du coup, on va un peu traîner sur le tech à suivre parce que je te promets que celui de ce soir il est énorme. D'accord. Et puis il y aura aussi tout à l'heure le jeu de Maître Kevin. Le jeu de Maître Kevin avec ce soir Richard Bridebois qui va. Décidément, t'es obnubilé. Non, mais c'est un de mes animateurs préférés, Gilbert Bridebois. Donc forcément, je confonds. C'est Richard Bridebois qui vient du Québec et qui sera là tout à l'heure en exclusivité sur Fun Radio juste après Bob Sinclair. C'est le nouveau Someone Who Needs. On est sur Fun en direct, Libertad. Get over you. You're home, I'm going home. Just hold on, I'm going home. It's hard to do these things alone. Just hold on. Bonne nuit. Toute une génération pour foutre le bordel. Mike Open Space. Mike Open Space. Le soir sur Fun Radio. Avec vous tous et vous toutes en direct sur Fun Radio. Faites-moi exploser le standard encore une demi-heure avant de partir en week-end. Comment ça me fait yesh. Ouais. Très bien qu'on passe l'émission le week-end là, c'est la saison prochaine. Si on est toujours là. Franchement, ce serait nickel. Faudrait le proposer au patron. Peut-être pas le week-end. Au moins qu'on fasse le dimanche après vie, tu vois. Et le vendredi aussi, ce serait bien. Le vendredi serait pas soir mal. Tranquille, tu vois. Ouais, genre qu'on se repose juste le samedi, tu vois. Ouais, tranquille. Non, mais voilà, le strict minimum. Maître Kevin, il serait chaud. Allô. Ouais. Le réseau. Non, mais moyennant rémunération, frérot. Non mais oui, mais c'est pas une question d'argent, non, mais oui, on... Je sais bien que c'est pas une question d'argent, ça fait 4 ans que tu bosses pour moi gratos, notre équipe. Bah ouais, bah la personne oui, la plus rentable. On va se mentir, c'est vrai en plus. Y'a Imani qui arrive. Don't be so shy. Nous allons jouer avec Richard Bridebois également. Et Maître Kevin qui va essayer de vous offrir du cadeau. Et y'a Jaël avec nous qui est là. Bonsoir Jaël. Jaël ? Oui. Bonsoir ma chérie, ça va bien? Hello. Bonsoir, hello, ça va? Bienvenue Jaël dans l'Open Space, on va faire le loto foot avec toi. Ok, ça marche. Ok Jaël, ouais. 25 ans, tu m'appelles... Ah non, c'est pour Maître Kevin le Jaël, bouge pas. Oui. C'est Lou qui est là pour jouer, salut Lou. Salut. Ça va Lou? Ouais. 13 ans, t'appelles de Bruxelles Lou? Non, de Florès. À Fleurus, très bien, c'est Coralie qui a mal noté. Et tu t'es parti au bahut aujourd'hui à l'école? Je suis en internat. Ah, ok, donc t'es encore à l'internat? Ouais. Et ils te laissent appeler à cette heure-ci? Non. Eh, tu veux une montre connectée, Lou? Ah, ça m'intéresse ça. Tu veux une montre connectée ou pas? Il faut que tu tues. Oui, je viens. Tu me réveilles tout l'internat ou pas? Oh putain! Ah, tu me réveilles tout l'internat, frérot. Mais après avoir fait du genre, tu déclenches l'alarme incendie là. Mais juste après. Tu réveilles tout le monde. Mais juste après ouais, l'autofoot. Mon deuxième, je compte rester jusqu'à m'arrêter ou quoi. Ouais, mais ils sauront pas qui c'est toi. Mais non, c'est ça. Après, tu fais genre de dormir, tu vois. Ouais, non. Non. Et une montre connectée, hein. Une montre connectée, mais pas pour ça. Eh, dites-nous, si vous êtes en internat, que vous voulez le faire là. Dites-nous, je vous file une montre connectée là. Vous inscrivez, vous nous appelez au 02-851-4x0. Vas-y, avant 2h du match, je file une montre connectée à celui ou celle qui fait ça là. 30-44 pour vous inscrire sur les SMS. Bon, mon loup, on va faire le loto foot ensemble, frérot. T'es pour quelle équipe, toi? Je ne sais pas qui joue déjà. Non, mais t'es pour quelle équipe en général? Je suis pour... Oui, pour la Belgique. Pour la Belgique, évidemment, en équipe internationale et équipe de club. Standard. Le Standard de Liège, très bien. Maître Kevin, vous avez fait le loto-foot cette semaine, allez-y, je pense que ça va aller très rapidement puisqu'il n'y a que deux matchs. Zelle, tu peux venir aussi pour faire le loto-foot, frérot. Bien sûr. Oui, il est très très maigre hein, ce loto. Alors, ce loto-foot. C'est quoi? C'est Allemagne. Allemagne-Hongrie, le fameux derby. Donc, alors, on va se faire Allemagne-Hongrie. Alors, moi je mets. Je suis désolé, Zelle est hongrois. Putain, bah, d'origine hongroise. Eh, la Hongrie. Toi tu mets Hongrie? Ah la Hongrie. Ah mais non. Mais non mais jamais. Ouais, je mets l'Allemagne si. Ils sont bons cette année. Ils sont bons. Je mets l'Allemagne 3000. Ils participent à l'Euro d'ailleurs la Hongrie ou pas? Bah oui ils participent. Ah, d'accord. Okay. Ah ok. Bah oui non mais je dis Hongrie. Je dis Allemagne aussi. Ouais, quoi. Allemagne direct. Coralie. Allemagne. Tu dis Allemagne Lou et Maître ouais, Kevin. Allemagne. Ok. Donc y a personne qui te soutient. RAF. Mais franchement en Hongrie il y a un joueur que j'aime bien qui s'appelle Dzudzak. Ah ouais. Ouais, ouais. Ah oui, Samir du Jack. Numéro 9. Ou ça boit du Jack, ça aurait été mieux. Ça boit du Jack, ça ah, boit pas mal. Du Jack, bah oui. Ah oui, ok. Ah pas mal. Pas mal. Je veux, mais ah c'est oui, pour ça que je vous atteindrai jamais, Maître Kevin. Bon, le deuxième match, Maître Kevin. Le deuxième match, France-Écosse. Écosse. Et bah, allez la France, quoi, allez les bleus. D'accord. Moi, je mets la France. Tu dis quoi, Lou? Tu mets l'Écosse? Ouais, ah ouais frérot, ok très bien. Moi je dis la France. Coco la France, les bleus. Les bleus. Ouais pareil les bleus hein, d'office. D'autant qu'on a Didier. D'accord. Et Maître Kevin vous mettez. Ouais bah les bleus évidemment. Évidemment. Et d'autant que nous avons Didier Deschamps qui est avec nous pour nous parler de ce match. Bonsoir Didier. Bonsoir Fun Radio. Bonsoir Saint-Pierre Didier. Alors je Didier pense que des... oui. un mot sur ce match qui arrive. Bah je pense que les Écossais déjà ils vont avoir une difficulté de jouer avec des kilts. C'est sûr que dès qu'on va voir leur engin entre les jambes, on va avoir un peu de mal à se concentrer. Et Didier, la polémique en France en ce moment, c'est vous et Karim Benzema. Vous êtes accusé de racisme par Karim Benzema. Vous ne l'auriez pas sélectionné parce qu'il est d'origine maghrébine. Écoutez, je pense pas qu'Adil Rami soit auvergnat. Oui. Je pense pas que la Sanadiara soit... Il est peut-être auvergnat d'origine maghrébine. Hein. L'un n'empêche pas l'autre. Oui, mais moi je parle bien sûr des racines. Hein, je ne parle pas de l'appartenance. Ah, vous êtes chiant, Didier Deschamps. C'était marrant 5 minutes. Ouais. Hein, vous êtes chiant. On va demander Zizou dans quelques instants. Ah, bah non, c'est bon, c'est fini l'autofoot. Ah, mais c'est fini. Oui, c'était très très maigre. D'accord, ok. Prochain match de la Belgique, c'est quand là le prochain match des Diables Rouges? Je crois que c'est la semaine prochaine, c'est mercredi, je crois. C'est le dernier. Par contre, je sais pas du tout contre qui c'est. Maître Kevin, c'est quand le prochain match des Diables Rouges, frérot? Alors j'ai cherché et j'ai vu qu'il n'y avait rien. Ah, la Belgique ne joue plus. Match nul contre la Finlande. Ouais, parce que l'Euro commence quand même vendredi prochain. Oui, je suis en train de regarder sur le calendrier. Et il y avait Belgique Finlande, c'était mercredi, rien d'autre. Le prochain match donc de la Belgique, et je crois qu'on jouera le samedi 11, il me semble. Non, le vendredi. Le vendredi 10. Direct, on joue. Très bien. Ouais. Le jour de l'ouverture de l'Euro. Ouvre le bal. Ouais, je sais, ça pour l'équipe de France. Je te parle de la Belgique, frérot. Ah, la Belgique, je crois que c'est le samedi ou dimanche, je sais plus. Ok, très bien. Parce que je crois que la Belgique, ça doit être le groupe B. Ah non, la Belgique, c'est le groupe E. Bon, les gars, renseignez-vous avant de dire non, quand même à la radio. Et la Belgique, c'est le groupe E. Ils jouent contre l'Irlande, la Suède et le troisième pays, c'est l'Italie. C'est franchement, c'est un putain de groupe de. C'est le groupe de la mort. Ah ouais, c'est le groupe de la mort, je crois. C'est le groupe de la mort. On fera les pronostics d'ailleurs sur l'Euro là et sur les premiers matchs. Dès la semaine prochaine, dès jeudi prochain. Bisous Lou mon pote, je te repasse Coralie. Salut. Et on te rappelle lundi, ok? Et juste pour, okay. Juste pour l'information, la Belgique jouera le premier match face à l'Italie le 13 juin à 21h, c'est un lundi. Allez les Diables Rouges. Voilà. Et sinon on dit quand même qu'on joue ce week-end contre la Norvège, hein, que les Diables Rouges jouent contre la Norvège ce week-end, dimanche. Bah alors maître Kevin. Ah bah écoutez, je suis désolé si l'équipe ne trouve pas d'importance à votre match, moi je n'y peux rien. Non mais attends frérot, je te demande de préparer le loto-foot, tu me zappes Belgique-Norvège. Bon bah ouais. Non, Belgique-Norvège, il est déjà passé. Non, c'est le 5 juin, dimanche. C'est le 5 juin, à 18h. Bon, et bah on y va, on pronostic Belgique-Norvège, les amis, évidemment, les Diables Rouges pour moi. Bah pareil pour moi. Bon, tout le monde les Diables, ouais, pour Ali. Bien sûr. Jérôme aussi les Diables, il n'avait pas pronostiqué le reste. Ah, non, oui, mais... je réponds à sa place, oui. Merci Maïté. Zézel, les Diables. Oui, bien sûr, les Diables Rouges. Maître Kevin. Bon, allez, la Belgique. Et Lou. Ouais, les Diables. Les Diables Rouges. Et bah voilà, c'est bon, il m'a pas oublié un autre match important. Non, c'est genre Brésil-Argentine, y'a pas ça, y'a rien. Hein. Ah mais y a de la Copa América mais il aurait c'est pu pas trop intéressant. Il aurait pu m'en mettre frérot. Bon bah rentre lundi Lou pour les résultats, ok? Toujours avec la même motivation et la même joie de vivre. Ouais. Je compte sur toi à l'internat Lou. Tout le monde dort là à l'internat Lou. Ouais. T'es sûr que tu veux réveiller personne hein? Pardon? T'es sûr que tu veux réveiller personne Lou? Ouais non, j'ai vraiment la flemme. Et t'es loin là du dortoir des meufs ou pas? Ouais, c'est l'autre bout du site. Ah ouais, d'accord, t'y as jamais été toi la nuit? Non, mais il y a un pote qui l'a fait l'année passée. Et il est arrivé quoi? Renvoi de l'internat. Ah, il s'est fait gauler. Ah putain, mais c'est chaud. Il a été voir sa meuf? Ouais, ils ont quête et tout. Ah ouais, putain, ils se sont fait gauler comme ça? Ouais, enfin, il les a balancés. Ah bah ils se sont fait balancer. Bon et bah voilà, ça a foutu l'ambiance, merci. Bonne soirée gros, je t'en passe Coco Sanda, raccroche pas mon loup. 1h41 du matin sur Fun Radio. Maître Kevin, tu vas jouer face à Jaël qui est là, 25 ans à Bruxelles. Re-salut Jaël. Re. Jaël, es-tu prête à gagner du cadeau sur Fun? Oui. Ne bouge pas. Ce sera juste après le son d'Imani. Il reste de la place pour jouer. On va faire tourner la roue des jeux tout à l'heure pour que Zézel vous rappelle. Vous vous inscrivez au 63-22. Vous débutez votre message par M-I-K-E. Ça se passe juste après Imani. Voici le nouveau Don't Be So Shy sur Fun Radio. Bonne nuit. Your skin, take off your clothes, blow up the fire. Don't be so shy, you're right. Take off my clothes, oh bless me, Father. Don't ask me why, you're right. Hold my step, I'm in command. Can you feel my hips in your hands? And I'm laying down by your side. I taste the sweet of your skin. Take off your clothes, blow out the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes, oh bless me Father. Don't ask me why, you're right. So much faster. I drown myself in your holy water. And both my eyes just got so much brighter. And my soul got, oh, yeah, so much closer. In the dark, I see your smile. Do you feel my heat on my skin? Take off your clothes, blow out the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes, oh bless me Father. Don't ask me why, you're right, you're right. Take off my clothes, blow out the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes and bless me further. Don't ask me why, don't ask me why, don't ask me why. Open Space. Go 02 851 4x0. Mais soyez bons. Merci d'écouter Fun Radio, 1h44 du matin en direct avec toute l'équipe, avec Zezel qui est là, l'homme de l'ombre, avec Jonathan, avec Coralie également, avec Maître Kevin qui est là, avec Jérôme aussi, le petit nouveau dans l'équipe qui a perdu au fucking juste prix tout à l'heure. Il y aura Vita et Joule dans quelques instants. On marche à la fin. Pas vu venir, hein. Alors, qui l'a vu venir? Personne. Personne. Personne. Dessus, Joule. Non, cela dit, le son est bien. Je le dis à chaque fois, mais le Vita Joule, je pense que c'est le seul qui passe. Eh ben, ouais, c'est vrai. Ouais. C'est beaucoup mieux que dans ma paranoïa à l'époque qu'il avait fait, où c'est un truc de fou. Ah ouais, ça c'est vrai. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Le gars, il fait ça pendant 3 minutes 42. Bah, il avait parodié, à mon avis, Vanessa qui a participé à Secret Story, qui avait fait ça, un truc de ouf, c'est un truc de ouf. Tu te souviens pas? Ouais, on a des références musicales hein, dans l'Open Space. Maître Kevin, il pense quoi de nouveau Vita Joule? Allô? Allô. Allez, passez-moi la Jean-Marie là, c'est la blague du jeudi soir, la blague de Jean-Marie Bigard. Ah ouais, elle est prévue en plus. Salut les petits gumes. Bonsoir Jean-Marie, ça va bien? Allô JM. Ouais, ça va. Alors allez-y, la blague du jeudi soir, pardon. Alors c'est un mec hein, qui est devant une banque et donc il met sa cagoule, hein, il est parti pour agresser la standardiste. Alors il dit à la standardiste, oui, amène-moi jusqu'au coffre ou je te tue. Alors la meuf toute paniquée, elle s'exécute, donc elle ouvre le coffre, ouais. Et dans le coffre il y avait des éprouvettes avec du sperme. Donc ouais. Le gars il lui dit vas-y, bois, je m'en fous, tu bois sinon je te bute. Alors la femme toute paniquée, elle est là, donc elle boit les éprouvettes, mais elle demande mais pourquoi monsieur, mais pourquoi vous me faites ça? Et alors tout à coup le gars donc il enlève son sa cagoule et il dit à la dame t'as vu chérie que c'est pas compliqué. Pas mal. Pas mal. Il y en a une deuxième peut-être plus courte. Ah oui, je sais que votre femme vous le dit souvent. Hein? Non, je sais que votre femme vous le dit souvent, mais allez-y. Ouais, bon, ça va, petit cul. Hein. Alors, je vais faire très court. Hein. Alors, c'est un homme donc qui va chez le tatoueur et il se tatoue Clio sur la bite. Alors, sa femme et tout, à un moment, donc il se dessape pour la bourlinguer. Et la femme, elle lui dit ah ben dis donc, maintenant elle a tout d'une grande. Ouais. Bon, Jaël. Oui. 25 ans à Bruxelles. Jaël, tu vas gagner du cadeau dans l'Open Space ce soir, on te le souhaite en tout cas. Si tu gagnes avec Richard Gilbert Bridebois. On va faire comme ça. Franchement, ce que tu fais, c'est un Chris pas bien, là. Mais excusez-moi, vous avez un cousin français et vous avez quasiment le même nom, c'est le prénom qui diffère. Bon, c'est Richard Bridebois. Richard, vous êtes une immense star au Québec. Sans cela, oui. Vous réinterprétez les titres que nous, on diffuse sur Fun Radio, les titres occidentaux. Vous les réinterprétez pour la partie américaine. C'est ça, Saint-Guy. J'interprète les titres. Bon. C'est-à-dire que je prends la song et je la refais la remasterisation. Attention, on déconne pas, hein. Richard Bridebois, c'est plus de 272 vues sur YouTube. Ah putain! Attention, c'est du sérieux quand même, les gars. Franchement, tu me gênes parce que j'aime pas trop carlinguer. C'est vrai que bon, j'ai mon petit succès sur le net. Bon, alors, avant de poursuivre votre route vers le phénomène viral, Richard, vous allez offrir du cadeau à Jaël. Expliquez-lui les règles de votre jeu. Bonsoir, Jaël. Bonsoir. Franchement, ça va être très vite et très comprendre de façon facilement. C'est-à-dire que je vais interpréter trois chansons et tu vas devoir retrouver tout ça. Ok, ça va. Simplement, tu vois, c'est pas dur. Hein, c'est... Ou le titre ou l'artiste, Jaël, ok? Ok. 2 sur 3 et c'est du cadeau Fun Radio qui arrive à la maison. Allez-y, Richard Bridebois, son numéro 1. Sur ma croûte. Sur ma croûte. Sur ma croûte, j'avais ma pile la poutine. Il a pris la rose tartine, il a mis dans sa turbine. Sur ma croûte. Et une question que voilà. Vous posez sûrement chez vous à la maison. Non, il n'écrit pas. Jaël. Oui. T'as la bonne réponse. Black M. Ouais, le titre ou pas. Black M sur ma route. Sur ma route, oui, il y a eu du bruit. Je préfère quand même l'original. Une vie de route. Un point pour toi, Jaël. Richard, son numéro 2, s'il vous plaît. Le sexalitch. La sexalitch. La sexalitch. C'est comme la poutine. La sexalitch. La sexalitch. La sexalitch. On a compris. Alors, Jaël. Par contre, il est pas très kitsch. Jaël, tu l'as ou pas? Non. Il a composé l'hymne de l'euro. C'est un DJ. Français. L'hymne de l'euro. DJ français. DJ français. Écoutez, à cette heure-ci, Avec des longs cheveux blonds. Non, j'ai les neurones d'une blonde, donc je sais pas. Et une femme qui ressemble à un poulpe. Sa blonde s'appelait Cathy. Non, c'est pas ça, c'est un poulpe qui ressemble à sa femme, en fait. Voilà, c'est David Guetta. Bon, alors il faut absolument que tu trouves le dernier, ma chérie, pour repartir avec du cadeau Fun Radio, Richard Bridebois, je vous en prie. Et c'est facile. Samedi passé, tabernacle, qu'est-ce t'as fait? Samedi passé, tabernacle, qu'est-ce t'as fait? J'avais dit de prendre poulet, toi tu m'as pris poutine, mais qu'est-ce t'as fait? Tabernacle, qu'est-ce t'as fait? Et là ou pas, Jaël? Elle est facile. Il est parti au bout de la langue. Oui, je l'ai au bout de la langue, mais je me souviens pas. C'est comme Maître Kevin, mais pas tout à fait. Maître Jim? Eh ouais. Mais c'est passé, je vais m'en occuper. Mais c'est passé, je vais te faire oublier. Et c'est gagné, bravo, Jaël, cadeau Fun Radio. Ça arrive à la maison, Jaël. Ok, nickel, merci. Je t'embrasse, je te souhaite un excellent week-end, Jaël. Merci également. Bisous, merci beaucoup, ma chérie. Tu viens quand tu veux, raccroche pas, je te repasse. Coco, on t'envoie tes cadeaux à la maison. 02-851 4x0, 1h51 du matin. Merci Gilbert, Richard Bridebois. À tantôt, là, la famille. À tantôt. Bien, ben quoi à vous, là. Maître Kevin, vous restez avec nous pour le tech à suivre. Éventuellement. T'as qu'à suivre, ce sera dans 5 minutes. Il a des nouvelles à nous apporter concernant sa relation avec Nora Malagré. Je rappelle que Maître Kevin est sur le dos, c'est Nora. Bah écoute, aujourd'hui je ne l'ai pas vue. J'étais bien triste. Pourquoi elle était pas dans l'équipe? J'ai vu apparaître une autre naine, mais d'une autre couleur de cheveux. Et j'étais assez triste. D'accord. Mon cœur a saigné. Mais donc ça n'a pas avancé. Il y a eu bisous. Non. Ah, il nous a dit, si vous n'étiez pas là lundi dans l'émission, il nous a dit que ce week-end il y a eu bisous. Et il y a eu plus que bisous. Il y a eu galoche. Je sais pas. Il y a eu plus que ça. Il y a eu plus que ça, Maître Kevin. Non, mais tu sais que là on est sur la pente de l'amour, mon vieux. Là, c'est la pente de l'amour. Là, en plus. Mais je sais pas parce qu'elle arrête pas de dire à l'antenne qu'elle a un amoureux, tout ça. Donc ça se trouve, c'est vous. Oui, mais c'est la pente de l'amour, mon vieux. Ouais, et attends. Si tu me vois dans Closer ou Public dans pas longtemps, ne sois pas choqué. Et même pire que ça, hier, elle a clashé Issa Doumbia parce que Issa Doumbia avait dit des trucs par rapport à son mec. Est-ce que ce serait vous, Maître Kevin? Je ne sais pas. Bon, les indices n'étaient il a fait quoi pas très évocateurs. Il a fait quoi mardi après-midi? mardi après-midi, j'étais occupé, j'étais en tournage. Et mercredi après-midi? Mercredi après-midi, j'étais chez moi. Tout seul? Oui, tout seul. Le zizi entre les jambes? Ou dans la main? Éventuellement, oui, c'est mieux. C'est, dans sa chatte. Il est à sa place, quoi. Très bien. On a la preuve que c'est pas lui. 1h52 du matin. On résoudra une autre énigme avant 2h du matin, évidemment. Et tac à suivre qui arrive dans quelques instants. Ça fait longtemps qu'on n'ait pas fait un tac à suivre. Ouais, il est très bon soir. Ouais, je pense qu'on vous comprendrez pourquoi ça fait longtemps qu'on en a pas fait dans quelques instants. Mais on vous laisse plaisir ce soir. Voici le son de Vita et Joule dans l'Open Space. Ça les dérange. Libertad, merci d'être là. Quand je parle, je fais. Rester vrai, j'essaie. Tu crois que j'en fais trop. On peut tous glisser. Y'a que Dieu qui sait. Je me tais quand j'en sais trop. Ils m'ont fatigué, sont pleins de sales idées. Font que m'analyser, moi je tiens toujours ma parole. Oh non, non, non, non, non. Ils m'ont fatigué, sont pleins de sales idées. À trop m'analyser, moi je tiens toujours ma parole. Toujours ma parole. Vas-y, laisse-les parler. Vas-y, laisse-les faire. Moi je vais pas m'en aller. Je vais pas me laisser faire. Traîne plus dans vos soirées. J'en ai rien à faire. J'ai des potons mal parés dans de sales affaires. Mon marche à la parole. J'ai que ça les dérange. J'ai que ça les dérange. J'ai qui pense à moi. Mon marche à la parole. J'ai que ça les dérange. J'ai que ça les dérange. J'ai qui pense à moi. On en a rien à foutre. Pas de bluff, pas d'effet. On est comme on est. Crois pas que j'en fais trop. On est les mêmes en vrai. Je regarde trop la télé. On a d'autres défauts. Ils m'ont fatigué, sont pleins de sales idées. Font que m'analyser, moi je tiens toujours ma parole. Oh non, non, non, non, non. Ils m'ont fatigué, sont pleins de sales idées. À trop m'analyser, moi je tiens toujours ma parole. Toujours ma parole. Vas-y, laisse-les parler. Vas-y, laisse-les faire. Moi je vais pas m'en aller. Je vais pas me laisser faire. Je traîne plus dans vos soirées. J'en ai rien à faire. J'ai des potons mal parés. Dans de sales affaires. J'ai que ça les dérange, j'ai que ça les dérange, j'ai qui passe sur mon dos. Mon marche à la parole. J'ai que ça les dérange, j'ai que ça les dérange, j'ai qui passe sur mon dos. On en a rien à foutre. J'crois qu'ils m'ont pris pour un autre. J'peux rien faire, c'est pas ma faute. Ça parle, ça rigole. On tient nos promesses, nos paroles. Et qu'est-ce que ça peut te foutre? Qu'est-ce que ça peut te foutre? Où on va, d'où on vient? Où on va, d'où on vient? Rien à faire, j'trace ma route. J'marche à la parole. Vas-y, laisse-les parler. Vas-y, laisse-les faire. Moi, je vais pas m'en aller. Je vais pas me laisser faire. Je traîne plus dans vos soirées. J'en ai rien à faire. J'ai des potons mal barrés. Dans de sales affaires. Nous, on marche à la parole. J'sais que ça les dérange. J'sais que ça les dérange. J'sais qui pense au nom. Nous, on marche à la parole. J'sais que ça les dérange. J'sais que ça les dérange. J'sais qui pense au nom. Nous, on marche à la parole. Open Space sur Fun Radio, 1h55 du matin, la dernière de la semaine. On vous lâche pas. On est là. Dans la tournée, merci de nous écouter. Turn up the radio. Il est là pour retourner la Belgique. Mike Open Space sur Fun Radio. Et je ne suis pas tout seul, il y a Jonathan autour de la table. Oui. Il y a Zezel, l'homme de l'ombre également, oui, qui profite d'un peu de temps libre là en cette fin d'émission. Tranquille, elle a fini son taf. Zezel, il peut être avec nous autour de la table. Coralie également qui décroche au 02 851 4x0 pour vous inscrire à tous les jeux de la semaine prochaine. Si vous avez un problème dans votre live, vous pouvez venir en parler avec nous. On sera de retour dès lundi, les amis, à 23h dans quelques instants. Il y a Mike Posner qui arrive, ça est tout capé. Bizarre. Maître Kevin évidemment depuis Paname. Ah oui. Ah oui frérot. Il fait quoi ce week-end? Il joue au foot? Il fait quoi? Non, la saison elle est finie mon vieux. Ah c'est bon, ils ont terminé combien du classement alors? On a fini premier. Ça fait comment? Tu montes en CFA, CFA? Alors je vais être relou deux minutes. Mais non, en fait on monte pas en CFA parce que notre club il est pas affilié en centre de formation. Ah d'accord. Donc, du coup on peut pas monter J'ai rien compris. Voilà, donc en gros, voilà. En gros, on peut pas monter. Mais on passe en il commission joue pour le là, Paris FC, Maître Kin. Ah, premier du championnat. Et bravo, frérot. Et meilleur buteur? Non, non, non, non. Y a des gens devant moi. Donc en fait, t'as foiré ta saison complète, quoi. Avoue-le. T'en as mis combien? J'ai mis 20 pions, mais un mec qui en a mis 22. Ah, c'est bon. Il y a quand même du fond, Maître Kevin. 20 buts, quand même, c'est pas mal sur une saison. Jonathan qui se permet de dire que Maître Kevin a loupé sa saison. Bah excuse-moi les footballeurs. Hey, frérot, t'en as vu 3 mois de la saison de la radio toi. Non mais attends, excuse-moi les footballeurs, c'est quand même les seuls gars qui commencent leur saison début novembre et qui la finissent fin avril quoi, il faut arrêter. Non bah c'est cool être footballeur et en plus il y a une préparation chou. Hein. Ouais, c'est vrai, la préparation. Et là, il est en vacances jusqu'à quand, maître Kevin, le footballeur là? J'ai pas entendu ce que t'as dit. En vacances jusqu'à quand? Là jusqu'à fin juillet à peu près. Ah ouais, tu vois, donc fin juillet. On sera encore en vacances fin juillet. Ouais, ça va. Et je verrai pas ta gueule, ça me fera du bien. Pareil. Nico est là, bonsoir Nico. Ouais, je suis là, bonsoir les gars. Ça va Nico? Hello Nico. Ouais, bien. 24 ans, Louvain-la-Neuve, Nicolas. Ouais, c'est tu bien. Tu vas faire quoi ce week-end Nico, toi? Ce week-end, je vais faire de la musique. Je vais enregistrer tranquille. Tu joues dans un groupe? C'est surtout tout seul, je fais mes musiques un peu tranquille. Et tu fais quel style musical? Du dance floor? Franchement, c'est assez large. Je passe du hip-hop au blues rock. Envoie-nous tes sons, mec. Mets-les sur le Facebook de l'émission, ok? Ouais, j'enverrai. Ouais. Bah, avec plaisir, Nico. Il y a Gurvan qui est là aussi. Salut Gurvan. Salut, ça Hello, va? Mec. Ça va, mon Gurvan? Ça va. Bon, c'est quoi le programme, toi, pour ce week-end? Bon, je sais pas encore là, demain je suis invité au resto parce que j'ai été nommé en tant que prix d'espoir à Mister Dottini, donc on m'a invité à un restaurant et après je sais pas quoi. Prix d'espoir Mister Dottini. C'est quoi, c'est un prix de beauté, c'est quoi? Ouais, en fait c'est comme les Miss quoi. Ouais. Et j'ai été nommé prix d'espoir, c'est parce qu'il manque un petit truc pour être Mister, donc ils m'ont mis prix d'espoir pour refaire l'élection quoi. Ouais, okay. C'est cool, ah, mais grave. Ouais, ça déchire, Gurvan. Bon, Gurvan et Nico, on va jouer, les amis, au tac à suivre. Attention, Gurvan, s'il te plaît, il y a beaucoup de vent chez toi, frérot. Si tu peux te mettre dans un endroit où on n'entend pas le vent. Ouais. Je te remercie, mon pote. Gurvan, tu choisis qui, tiens, pour jouer avec toi au tac à suivre, pour te représenter? Il y a Jonathan. Ouais, vas-y, je te prends, toi, Mike. Ah ouais, direct, ok. Je taquais, là. Je vais essayer, hein. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de tac à suivre dans l'émission. Nico, tu choisis qui, toi, mon Nico? Corinne, on n'a pas de Corinne. Non, il y a Jonathan, il y a Zezel ou il y a Coralie. Qu'est-ce que j'en pense, Corinne, moi? Coralie, pardon, excuse-moi, je suis Coralie, avec les oui. Maître Kevin ne peut pas jouer parce qu'il y a le décalage aussi. Ah, elle ne veut pas le faire. Si, mais je demande parce que je sais que Jonathan aime bien les chansons, donc je voulais savoir si lui voulait pas le faire à ma place. Non, j'en ai rien à foutre, tu te démerdes. Bah, okay. C'est Jonathan qui a. Ok, ça non, va. J'ai choisi. Ok, voilà. Ça va, Nico. Voilà. Ça va, Nico. C'est très bien, merci Nicolas de m'opposer à Coralie. Merci de me permettre de lui mettre une nouvelle raclée. Comme quoi, dans la vie ou à la radio, on en revient au même. Toujours. Voilà. Ta gueule. Alors. T'es méchant, dis ce soir. Je rappelle le principe du tac à suivre. Dans quelques instants, des chansons vont démarrer. C'est vous, Nico et Gurvan, qui allez choisir nos chansons. Et on va devoir chanter. Tant que la musique chante, tout passe, tout va bien. Je vais baisser le son à un moment donné. On continue de chanter. Quand je remonte, on doit toujours être tempo, toujours être synchro. C'est le principe du tac à suivre. Et souvent, ça fait mal aux oreilles. On s'excuse par avance. Et oui. C'est Jonathan qui a choisi les sons ce soir. Oui. Alors, il y a en tant que nouveau producteur de cette émission, il y a Nicky Jam. Il y a Nicky Jam avec Asta Lamanessa. Gurvan, tu fais chier avec le vent, frérot. Ouais, il est en tempête. C'est la tempête d'or, mais c'est bon ou quoi? Nicky Jam, Ozier, Take Me to Church. Putain, ouais. Il y a Amir avec J'ai cherché. Il me met Ozier, il va me mettre YMCA la semaine prochaine, c'est comment? Non, je te mettrai Wham avec Wake Me Up Before You Go Go. Ah, la chanson de la France à l'Eurovision. Ah, j'adore. C'est ça. Alors, très bien aussi, ouais. You wanna make me strong. Merci de nous lancer, maître Kevin. Et Slimane, si on fait Amir, il fera où? Ok, maître Kevin. D'accord. Et y a Slimane. Très bon en bac, hein. J'ai fait des bacs également. De Whitney Houston, hein. Le son paname. Alors, Gurvan, quelle chanson tu choisis pour moi, frérot? Tu peux répéter les titres parce que j'ai pas bien entendu. Alors, Slimane, Oum Ozier, Nicky Jam ou Amir? Nicky Jam. Nicky, non, ça m'arrange pas. Ah si, c'est espagnol. Mais je vais t'aider, Mike, je vais t'aider. Ouais. Bon, ok. Et Nicolas, tu choisis quelle chanson ouais, pour. Je vais prendre. Pour Coco. Fais le bon choix parce que j'en connais quasi aucune. Ah, Amir, je vais te donner Amir. Mais... Amir, bon, très bien. Coralie, c'est toi qui commence. Tac à suivre sur Fun Radio. What the hell, man? C'est le tac à suivre dans Mike Open Space sur Fun Radio. Vous allez mettre. J'ai cherché un sens à mon existence. Oh là, mon désolé, mon j'ai fini le cœur sans défense. J'ai cherché maître Kevin. L'amour et la reconnaissance. J'ai payé le prix du silence. Je me blesse et recommence. Tu m'as comme donné l'envie d'être moi. Donner un sens à mes pourquoi. Tu as tué la peur. Qui dormait là. Elodie Gossoin, c'est facile. You're the one who make me strong. I'll be looking for you. La mélodie en Vincent. Maître Kevin, il a fond dans le rôle. T'as pas mal, Maître Kevin. J'ai mérité mieux que 6ème quand même, cette connerie. Hein. Un peu quand même. Hein. I've been looking for you. Ça méritait 2ème, hein, Maître Kevin, on est d'accord. Ça méritait même la première place. Ah, franchement. Ça c'est un tube, ça. Franchement. C'est un sens, un point de repère partagé en deux hémisphères comme une erreur de l'univers. Je connais pas, j'ai jeté tellement de bouteilles à la mer. Ah si. Attends. Je suis. Ah oui, elle est dedans. Ah, je suis l'arbitre, elle est dedans. Ok. Elle a rigolé en chantant, mais elle est dedans. Ah ouais. Elle est dedans. Très bien. Je l'ai jamais écouté jusque là. Hein. Moi non plus d'ailleurs. Bon, allez, c'est à nous, Gurvan. Ouais. Nicky James, ça va être chaud, frérot. Tu m'as choisi un son espagnol, je pète pas deux mots d'espagnol. Hein. Ah, je vais t'aider, Mike, t'inquiète. Pas mentir. Le titre. Tu vas gérer. Eh, avant de le dire correctement à l'antenne, j'ai mis 3 mois, frérot. Hein. Ah, tu te rends pas compte. Hein, C'est même pas les paroles. Lo único que sé es que quiero con usted. Quedarme contigo hasta el amanecer. Como tú te llamas, yo no sé. De dónde llegaste ni pregunté. Lo único que sé es que quiero con usted. Quedarme contigo hasta el amanecer. Ok, on est bon. Oye, mamacita. Tu cuerpo carita, piel morena y lo que necesita. Mirando una chica tan bonita y pregunto qué quieres. Solida y variante arima, bien todo para mí. Pero tú has bossé de 2 años chez Tacos Mexico aussi. Es normal que parles. Oh yeah, yeah, yeah, me. Non, on est où là? Non, sans déconner. Yo que quedaré una noche llegué de placer. Llama, yo no sé. De donde la ni pregunté. Lo único que es que quiero con usted. Quedarme contigo. T'es pas dedans. Ah non. Ah, pour une seconde, t'es pas dedans. Concède. Bon, alors, nous allons faire ce deuxième tour au tac à suivre. Gurvan, quel chanson choisis-tu pour ton adversaire Coralie? Il reste Ozier, Take Me to Church. Il me reste Slimane, Panam. La première. Ozier. Non. Choisis pas celle-ci. Ah si, ah si, ah si. Choisis pas celle-ci pour Coralie. Elle la connaît par cœur. Elle la connaît par cœur. C'est pas vrai, je connais mieux Slimane. Putain, elle la connaît par cœur. Bon, et eh ben très bien. Bah arrête, t'es content, t'as Slimane. Ouais, bah moi j'ai Slimane, je suis content, mais je sais que Coralie connaît bien cette chanson. Ah oui, she's the giggle at the funeral. Knows everybody's disapproval. Show the worship now. My anglais. Allez, chante, Coralie. If the heavens ever did speak, she's the last true mouthpiece. Every Sunday's getting more green. Fresh poison and leaf tweak. We were born sick, you're gonna say it. My church was not absolute. She tells me worship in the bedroom. The only heaven I'll be sent to. Allez, Coralie. Elle part suite, toi, I was born sick, but I love it. Command me to be well. Hey. Non, je déconne, c'est trop facile là. Amen. Amen. Alléluia. Take me to church. I'll be like a dog in the shrine of your lies. I'll tell you my sins so you can sharpen your eyes. Tu vois, elle est tout le temps possible de faire au premier degré. Écoute comment elle chante. So good God, let me give you my life. Take me to church. I was like a dog in the shrine of your lies. I'll tell you my sins so you can sharpen your knife. Offer me my deadless dead. The good God, let me give you my life. Allez, Coralie. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette merde? Alors, attends. Bravo, Jonathan. Bravo, Jonathan. Tu m'as fait de la merde au tac à suivre. C'est quoi ce son? Mais c'est quoi ce son, Jonathan? Attends, pause, qu'est-ce qui se passe? Attends, c'est Jonathan qui a mis les sonores. Je te jure, je suis pas au courant. J'avais le single et je te jure que c'est vrai, j'avais le single. Mais je m'en bats les couilles, tu avais le single, pourquoi il est là? Mais qu'est-ce que j'en sais? Et on en pleure aussi, on kiffe sa race là. Bon, et ben tu sais quoi? S'il vous plaît, un peu de calme. Le son n'est pas accordé, le point n'est pas accordé à Coralie. Mais d'où? Le point n'est pas accordé. Tu auras tes points à Jonathan. L'arbitre, s'il te plaît. Ah, non, Dylan n'était pas bon. Mais c'est un enfant. Merci Nico. Non, c'est de ma faute. Le point n'est pas accordé, je le donne à Mike. Gurvan. Non, j'ai pas le point. Pardon, je vais jouer sur le Slimane. Allez, Gurvan, on y va, frérot. Allez, frérot. Sur le Slimane. Franchement. Je l'écoute en boucle. Je me suis fait un monstre Charleroi l'année dernière avec que ça. L'année dernière? Voilà, enfin, il y a deux semaines, je veux dire, avec que ça. La nuit du haut de ma tour, la tête dans les étoiles. Le lendemain à l'école dans la cour, je disais poteau, passe-moi la balle. Maman me disait fais tes devoirs. Je lui répondais à ton devoir. Je lui faisais lire chacun de mes poèmes. Un jour à Paris, je chanterai que je l'aime. Paname, Paname, on arrive. Moi, ma gueule, c'est mon sac à dos. C'est bon, je suis dangereux. Non, non. Attends, deuxième chance. Que j'aime. Sous-refrain. Paname, Paname, on arrive. Moi, ma gueule et mon sac à dos. Paname, Paname, on arrive. Moi, mes rêves et mes chansons. Paname, Paname, on arrive. C'est bon, voilà. Là, t'es dedans. On est bon. Bah, t'es dedans. Ouais. On est bon. Gurvan, c'est gagné, frérot! Ouais! Attends. Qu'est-ce qu'il y a, Nico? Au départ, j'ai pris Coralie, elle a plutôt bien géré. Moi, mais elle a marqué un point. Bah oui, parce que la deuxième fois, j'ai fait de la merde. Ah, mais j'ai marqué aussi un et point. Et toi, parce qu'il y a du favoritisme dans cette équipe. Non, mais Coralie, on est à égalité. Non, mais il y a combien? Il y a un partout là? Alors, attention, il y a un partout. Ouais. Mais on peut se débarrasser sur une dernière minute. Non, on n'a pas le temps, il est 2h09. Mais Nico, ok, cadeau pour toi, Nico aussi, ok. J'avais pas préparé quoi, je pensais que j'avais gagné. J'ai tellement l'habitude de gagner face à Coralie que voilà, excuse-moi. Tricheur. Bon, bonne soirée Nicolas, bonne soirée Gurvan, je vous repasse tous les deux, Coco. Je peux faire une petite dédicace. Et je t'en prie, Gurvan. Je t'en prie, Gurvan, vas-y. Un grand merci. Donc j'aimerais bien faire une petite dédicace à ma cousine qui est à l'écoute là comme maintenant sur son ordinateur. Et bah, ça s'appelle Orlan, et à ma Orlan mère aussi. Ouais. Et bah, et bisous à Orlan et à ta maman aussi, voilà. Gurvan, tu fais des bisous à tout le monde, ok? Ça marche, et grand merci, bonne soirée. Je viens de perdre un iPhone 6. Merci. Oh putain. C'est le karma. C'est pas le moment, je crois. Allez, à bientôt les amis, je repasse Coralie, raccrochez pas. 2h09 du mat sur Fun avant de se quitter. Ah, ça fait du bien quand même un petit taquet suivant, ça faisait longtemps. Voici Mike Posner sur Fun avant la JT déjantée. To show a Fiji, I was cool. And when I finally got sober, felt 10 years older, but there was something to do. I'm living out in LA. I drive a sports car just to prove. I'm a real big baller cause I made $1 million and I spend it on girls and shoes. But you don't wanna be high like me. Never really know why like me. You don't ever wanna step off that roller coaster and be all alone. And you don't wanna ride the bus like this. Never know who to trust like this. You don't wanna be stuck up on that stage singing. Stuck up on that stage singing. Oh, I know a sad soul. Sad soul. Darling, oh, I know a sad soul. Hey. I know a sad song. I know a sad song. Sur Fun. Are you ready? Une galère? Appelez l'Open Space. Go! 02 851 4x0. Mais soyez bon. Tout micro. micros allumés, fin d'émission, 2h12, fin de semaine, on est sur Fun Radio. Il est donc 2h12 du matin, il y a Maître Kevin, évidemment, qui est connecté depuis Paris. Attendez, alors Maître Kevin, je galère toujours pour allumer sa putain de tranche. Il est là, il m'entend? Allô, Paris, ici Bruxelles. Oui, Paris, oui, bonjour. On file tout de suite au stade du Romain, il y a un but. Et le but ici de Jonathan Korchia, c'est une superbe ouverture d'Abdeslam Wadou, c'est magnifique. Au stade du rail, ça bouge, on retrouve Romain Grosjean. Et but au stade du rail, but de Hatem Benarofa. Quelle passe magnifique de la part de Romain Duris, c'est vraiment magnifique. Attention, au stade Bollaert, ça bouge à Lens. Ouais, chez but au stade Bollaert, là, but de Ch'timi, but de Tony Varel, ici ça fait donc 2-0 pour les Lensois. Merci. Voilà, ça fait du bien. 2h13. Ou sinon, on n'a pas été au stade Vélodrome à Marseille non plus. Hein. Ouais, non, mais c'est trop connu, Parc des Princes, stade Vélodrome, tout ça. 2h13, voici les titres à la une de l'actualité demain, comme chaque soir sur Fun Radio. C'est l'heure du JT déjanté. On y va, je me transforme en journaliste bidon. Hello, Jonathan. Hello, Zézel. Hello, Jérôme. Hello, Coralie. Hello, Kevin. Hello, Bélitis. Hello, tout le monde. Pas à tous. Il ne participera pas à l'émission des chiffres et des lettres. Et oui, Jean-Yves Lapin déclare avoir trop peur de Bertrand Renard. Attention! Un homme qui se masturbe devant vous, c'est peut-être en fait juste un homme atteint de la maladie Parkinson qui essaye de faire pipi. L'homme est supérieur à un animal. Mais va dire ça à un ours polaire si t'as des couilles. C'est pas grave, vous avez le droit. Oui, c'est ce que disent les policiers à Guillaume Play quand il se gare sur une place handicapée. Les sosies à Hollywood. Pour avoir des nouvelles des candidats, un site internet est mis à votre disposition, le www.onem.be. Oups. Elle confond baguette et braguette et apprécie quand même le hot dog. Si la connerie était de l'essence, ce serait l'émission la plus utile du monde. Mike Open Space, avec Jus et Jonathan, jusqu'à 2h sur Fun Radio. Et à la fin, il n'en restera qu'un, 2h14 sur Fun Radio. Merci les amis. Quelques messages avant de se quitter. Vous êtes des tarés, les mecs, mais je vous adore et vous chantez comme des pieds. Sauf Coco, c'est Shana qui nous dit ça au 3044. C'est la pire. Merci. Franchement, Coralie, c'est la pire parce qu'elle peut chanter n'importe quoi. Genre, joyeux anniversaire, elle est toujours premier degré. Elle fait The Voice, la meuf. Elle fait la finale de The Voice à chaque fois. J'adore, mais je peux pas. Mais je peux pas chanter, je peux pas faire genre je chante, enfin c'est naturel chez moi. Joyeux anniversaire Jean-Pédric. Allez. Non mais je te comprends, hein. À l'époque, je sortais avec Hélène Segarra, elle était pareil, horrible. Y a trop de gens qui l'aiment celle-ci. Je découvre l'émission, ça a l'air sympa. Take care, merci beaucoup, mon pote. Mike, avant de te dire bonsoir, est-ce que tu veux bien de ma part que le SPJ doit mettre la croix gammée au lieu du SPJ maître nazi et que la grosse Baudard et De Vos ne doit pas oublier leur brassard pour soutenir les. Ok, très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. On peut pas s'arrêter sur ce message là. Si vous voulez, je veux bien faire un truc. Moi je suis chaud, mais l'alarme incendie c'est trop mort. C'est Lou qui nous dit ça. C'est le SMS qui veut réveiller son internat finalement. Il y a dimanche. Allez à la Belgique face à la Norvège, on nous dit au 30-44. Mons qui nous dit ça. Bah ouais, allez les Diables Rouges. Dimanche contre la Norvège, bientôt l'Euro. Hein. Et on en reparlera évidemment dès lundi. On sera là de retour dans l'émission. Oui. On va y aller rapidement. On est hyper à la bourre. Merci beaucoup, Maître Kevin. Merci les amis. À lundi, salut frérot, bon week-end, bon week-end, yes, bon Coralie. Week-end. Bon week-end. Bon week-end, Jérôme également, merci mon week-end. Pote. Bon week-end, Zézel. Bisous à tous, avec bon week-end. À lundi, Zézel. Tu nous racontes les nouveautés lundi, évidemment. Exactement. Ton couple qui bat de l'aile. Nous allons voir lundi s'il a tenu ou pas le week-end. Évidemment, c'est la question qu'on se pose chaque lundi. Bon week-end, Jonathan. Bon week-end, Mike. Les amis, demain matin, dès 6h du matin, Evan est la tribu pour vous réveiller entre 6h et 9h. Il sera là dans moins de 4h. Avec des MacBooks à gagner chez Evan et la tribu. Et nous on sera de retour lundi 23h tout le week-end. Il y a Party Fun avec Oli pour vous accompagner. Libertad. Mike Open Space revient demain dès 23h pour retourner le pays sur Fun Radio. Mike Open Space. Mike Open Space le soir sur Fun Radio. Bonne nuit la Belgique. Bon, je me suis trompé de jingle. À lundi, bisous. Libertad. Magic System. Hommage à Alpha Blondie. Sweet, sweet Fanta Diallo. Sweet, sweet. Sweet, sweet Fanta Diallo. Sweet, sweet Fanta Diallo. Elle habite sur un arc-en-ciel. danser dans ta nuit. Fanta, Fanta, tu vas pas marcher à l'envers. T'as besoin de lumière. Texte en guise de son. Dance Floor. Fun Radio. Fun Radio. J'ai le smile pour toute la planète. J'ai le smile malgré les tempêtes. Oh oh oh oh oh. J'ai le smile et toujours avancé. J'ai le smile même si rien n'est parfait. Oh oh oh oh oh oh. C'est la même devant mes erreurs. On grandit vite, tout va si vite. Oh. J'ai le smile dans mes galères. Oh oh oh oh oh. T'as le smile même le cœur brisé. T'as le smile d'avoir pu aimer. Oh oh oh oh oh oh. C'est la même devant mes erreurs. On grandit vite, tout va si vite. Oh. J'ai tout gagné quand tout est tellement compliqué. J'y crois encore Si je smile, c'est que j'ai gagné contre moi-même et tout le reste. À chaque effort, à chaque trésor. Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. Le son dance floor. World is going crazy. You can love it, spending good time with the touch of. Oh, man.